me of the dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Jeudi 21h-23h, Alex Libre-Antenne sur Radio Mix. Et bonsoir tout le monde, c'est parti en direct évidemment jusqu'à 23h. Bienvenue Alex Libre-Antenne, on est là ensemble. Welcome tout le monde, en tout cas bienvenue jusqu'à 23h. On est là ensemble et je vous présente comme chaque soir l'équipe. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ce soir il y a Al qui est avec nous ce soir en direct. Yes, ça va bien Al? Oui, ça va. Il y a Quentin qui est avec nous, ouais, ce soir. Je suis là, ouais. Ah, ça va bien Quentin? Super. Ah là là, et puis il y a Jojo qui est avec nous. Il est en train de rire. Ça va Jojo? Ah, on l'entend pas, attends, excuse-moi, j'ai coupé ton micro. Pardon, de quoi tu disais? Bah, je demande à Quentin son crayon. Ah, ah. bah tiens. Si, oui, ça va, je suis là. Je suis très en forme parce que ce soir, je pense que ça va être une grosse émission. Je le sens aussi. Alors là, ce soir, on a le retour tant attendu, parce qu'il y a très nombreux à nous demander sur les réseaux sociaux. Le pervers, ce soir, on a appelé un nouveau pervers. Vous allez voir, ça va être juste énorme. Oui. Ce soir, le retour du pervers vers 22h. On aura également le retour du Avez-vous vu Chantal avec Jojo? Ouais. Ah, j'espère qu'il va être énorme ce soir. Et puis, évidemment, évidemment, vos questions, le jeu des 5 mots avec le retour avec Al, on aura Info à Tox avec Quentin, et on ouais. aura la question du soir, on aura le coup de gueule de Jojo. Les, pardon. Ah, il y en a plusieurs. Attends, non, parce qu'il m'a dit direct sur ma fiche les. Ouais, parce qu'il m'a demandé de faire plusieurs coups de gueule. Bah alors ouais, j'en ai fait plusieurs. Bah non, parce que les gens. Attends, monsieur a une page, le coup de gueule de Jojo, je pense que ça méritait au moins deux coups de gueule, toi. T'as plusieurs pages, toi, en fait. Bah, quand tu regardes. C'est un auditeur qui l'a créé. Voilà. Il y a Jojo a envie de chanter, il y a Jojo le coup de gueule, il y a Jojo le coup de cul aussi. C'est Kevin qui t'a créé ça, non ça. Ah, c'est Kevin, ouais. D'accord, et bah voilà, tout est dit. Et on aura également le top ou flop également depuis lundi, une nouvelle rubrique. Alors, votre journée s'est bien passée? Alors, il y a Al qui a payé son saucisson ce soir, on est content. Il était bon le saucisson. Il a pas fait long feu. Par contre, il piquait. Au piment d'Espelette qui dit ça pique pas. Et l'Espelette, ils l'ont oublié quelque part. Hein, parce que c'était vraiment piment. Ouais, c'est vrai, il arrachait pas la gueule non plus, le piment. Bon, un petit peu. Ça a arraché le cul après, tu vois. Ouais, ça m'étonne ma manette. Arrête, au moment où tu m'as dit ça, j'ai pété. Tu vois. Il aura un trou dans la chaise. En plus, il m'a regardé quand il a pété. Il va avoir un trou dans la chaise. Tu m'excites en pétant. Ta journée s'est bien passée, Jojo, fatiguant. Ouais. Bien passé. Il est beau au bout du rouleau. Ça, en plus, il a fait beau, donc c'était bien. Ouais. Quentin. Impeccable. Quentin, il m'a dit aujourd'hui qu'il était visiter le musée de la guerre. Ouais, je suis allé visiter un musée de la Seconde Guerre mondiale, du mur de l'Atlantique, à Ambleteuse. Ah oui, c'est sur la côte d'Opale, pour ceux qui connaissent. Je devais y aller là pendant les journées du patrimoine et j'étais crevé donc j'y suis pas allé, fait chier. C'était super intéressant. L'excuse. Bidon, hein, l'excuse. Mais non, mais on avait travaillé la veille en discothèque donc on était crevé quoi. J'étais pas crevé moi. L'excuse bidon. Ah bah si, moi aussi, j'étais crevé, excuse-moi. Sinon, c'était bien, Quentin. Impeccable. Je vais bientôt en faire un info-atox avec. Ah ouais. Ah c'est vrai, pourquoi t'as non, croisé je côté plaisante, non, ah, c'est pas vrai. Ok, bon, bon, en tout cas, bienvenue tout le monde jusqu'à 23h, on est là ensemble. Comme chaque jour, d'ailleurs, demain, il y aura la petite dernière de la semaine avec d'ailleurs, Alison, etc. Il y aura le défi également du jeudi soir. Ce sera évidemment demain entre 21h et 23h. On est là ensemble. En tout cas, on bouge pas, on aura du très très gros son ce soir. On aura, alors ça, tenta d'urgu, parce que moi j'aimais bien, pour ceux qui nous rejoignent en direct, on a leur retour vers 22h du pervers. on a le retour du pervers. Évidemment. Ouais, alors c'est plus le même là parce qu'on l'a perdu là, Bruno, mais par contre il est tombé sur la gauche. Je peux vous dire que là on a signé un CDI avec là, direct. Là c'est, là c'est là tu vois. Ah là ouais carrément. On aura Soprano là tout à l'heure. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Allez, j'adore cette musique, ça met en forme direct là. J'ai sorti le gros gamin ce soir, je suis le prince de la ville. On a également tout nouveau Zara Lanza. J'adore, découverte ici Radio Explore, Zara Lanson. Ça donne envie de bouger. Bon courage à tous ceux là qui partent travailler là. Bon courage à tous ceux qui partent se coucher évidemment. Bon pas bon courage, bonne nuit pour tous ceux qui partent se coucher. Bon courage, ouais, bon courage hein, bonne nuit les gars. Bonne nuit là parce que c'est pas évident d'aller se coucher mais bon. Il démarre à 4h, 5h du matin. Bon courage en tout cas. Alonso. Le son de Alonso Vinta là. Beaucoup de gens la réclament. Notre Black M national également. Je suis français. Ils veulent pas marier toi. Ma fiancée. Maître Gims. Mille poils de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur. Allez, bonne soirée à tout le monde. On est là jusqu'à 23h en tout cas. On bouge pas. Si vous voulez balancer vos messages, Twitter, Facebook, hashtag Alex Libre Antenne. On va parler d'un petit sujet ce soir. On parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on parlera? Comment rendre une fille jalouse? On en reparle dans quelques instants. Reste avec nous. En tout cas, on est là en direct hein, jusqu'à 23h. Cette émission va être énorme. Donc branchez-vous. C'est ici. Ça se passe 21h, 23h. Alex Libre Antenne en direct. Welcome tout le monde. PMW pour démarrer. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma hurle si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la Allez, le son de PWM en direct et pas BMW en direct, évidemment, jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, merci d'être avec nous là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Antenne Explore. Pas de marque à l'antenne, s'il vous plaît. Ah non, non, excusez-moi, je me suis trompé, j'étais avec parti. Alors, on s'est regardé, on s'est demandé. Ah, direct, il m'a rien fait. Mais c'est pas ça en fait, t'as pas à fourrir, mais trop tard, t'avais dit la connerie. J'étais parti dans mes esprits, pardon, excusez-moi. Dans tes esprits, t'en as plusieurs, c'est bizarre. J'étais en train de réfléchir à plusieurs choses. Bon, bienvenue à tout le monde, en tout cas, on dirait jusqu'à 23h, on est là. Journée internationale de la paix aussi, également aujourd'hui. Donc faisons la paix tous ensemble. Ouais. C'est quoi ? Faisons un paix tous ensemble. Ah pardon. J'en ai terminé sur la paix. Donc tout à l'heure, Al il appaiera un mec pour il dire appaira. Il appaiera. Mais t'as du mal. Quoi, toi, t'as du mal à c'est parler. C'est saucisson, ça il m'a mis. Ouais, c'est quoi, c'est con. C'est le journal de la paix. Alors il appaiera. Hein, il appaiera. Ah mais t'as beaucoup de mal toi. Hein. Du coup, vu que c'est la journée internationale de la paix, on va appeler un mec pour dire qu'on fait la paix parce qu'on avait baisé sa femme auparavant. Ouais. Donc, espérant que. On y est tous passés. Putain, c'est toujours. Il faut que je retire ça de ma fiche. Hein, j'ai toujours pervers Eric Grosspit. Putain, faut que je le retire. Bah, c'est lui. Ah, c'est Eric. Il s'appelle Eric. Ah. Ah, ça, on appellera Eric ce soir. C'est ça, Eric le pervers. Salut, c'est Eric. Le blé, Eric. Salut, c'est Eric. Il est là. Salut, c'est Eric. Là, Eric. Ouais. On aura le top proof up également. Mais on démarre cette émission par le. Habituel coup de gueule de Jojo. C'est les coups de gueule de Jojo, 21h10 en direct. Alors, là, ouais. Je suis à l'heure, j'ai marqué 21h10 sur ma fiche. Il est 21h08. Hein ? J'attends encore, il est 21h08, alors j'attends. Il est 21h10. Attends deux minutes, t'as le temps de passer une musique. Voilà. Ouais. Non, allez. Ça va parler de quoi ? Hier sur TPMP, hier soir. Parle devant le micro. Bah, je parle devant le micro. Ah oui. Ouais, non, ouais, c'est mieux. Je vois pas ma fiche. Je vois pas ma fiche. Hier devant TPMP, ils ont annoncé. Fait une grosse annonce comme quoi que Mathieu Delormeau allait animer le vendredi soir, donc à 19h, donc 18h. Ouais, t'en penses quoi, Camille? T'en penses quoi, Camille? Ça va passer, t'en penses quoi, Mathieu? Ouais, je trouve ça c'est vraiment. Vrai ouais. Oh, ça ouais, chier, ouais, ça va être ça. Une fois par semaine le vendredi voilà. Pour remplacer Camille parce qu'il a beaucoup de choses de prévu. Attends, parce que c'est ouais, l'émission. Parce que Camille avant, il est fatigué. L'émission avant touche pas mon poste. Oui, ouais. Et du coup, l'émission. C'est touche pas mon gamin. Et du coup, le vendredi, ça serait de l'ordre. Non, non, non. C'est qu'est-ce que non, c'est quoi le nom de l'émission ouais, qu'est-ce qu'il en pense, Mathieu? Qu'est-ce qu'il en pense, Camille? Et ouais, le vendredi, ouais. Ça sera bon, qu'est-ce qu'il en pense, parler, Mathieu? Bah pourquoi? Parce que Mathieu est pas capable d'assurer tous les soirs. Mais non, mais il a plein de trucs. Il va faire du théâtre et tout là. Une bah, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ah, déjà, il y a la radio au matin. Bah, il peut pas tout faire, mec. Alors, il était bien. Il y a des émissions aussi après pareil. Il y a aussi des chroniques. C'est pas lui qui prépare son émission. Enfin, bref, je trouve ça un peu ridicule. De toute façon, Mathieu Delormeau, il me passe par les trous de nez, ce mec-là. C'est Mathieu, s'il nous écoute. De toute façon, il m'écoute pas alors. Attends, quoique, je vais peut-être recevoir un message. Non, je sais pas encore. Tu vas recevoir un message de. De Mathieu, de non, Cyril Hanouna. Jojo, c'est le seul à arriver dans la salle de pause en disant hey, les gars, j'ai reçu un message de Cyril Hanouna qui me propose de gagner 100 000 euros. Ouais, un iPhone. Non, un iPhone. Il faut juste que j'appelle au 08 ouais, voilà. 700. Bah, l'arnaque. L'arnaque à fond. Et donc, du coup, je trouve ça un peu nul. Non mais il aime bien se faire arnaquer Jojo et non mais on parle de il aime bien se faire baiser dans le sens il aime bien se faire arnaquer se faire baiser mais voilà donc pas ouais mais c'est vrai qu'ils sont en train de beaucoup le mettre en avant Mathieu ouais. Ouais. Alors il était prêt à Brère et tout hein. Tu l'as vu toi ouais, il ouais, était à pleurer ouais à pleurer à Brère c'est bon il était prêt à chialer enfin voilà quoi ouais. C'est un peu un trou de balle enfin bref c'est de le mettre en avant hein. Peut-être que son salaire il faut qu'il ah bah juste salaire qui prend sur des vite le mec il justifie son salaire. Ouais. Mais bon, et bah en parlant de ça justement, vous avez, je vais en parler ce soir. Bah, ah non, bah ça je. Bah non, non, j'ai pas fini. J'ai rien dit, ce sera dans mon top ou flop. J'ai pas fini. Donc je continue dans TPMP, mais c'est mon coup de cœur. Okay. C'est pas un coup de gueule. Ah. C'est pour Isabelle. Elle est belle. Isabelle. Elle est belle. Oh, elle est dégueulasse la meuf. Oh, elle est belle. Arrête oh, toi. Attends, elle est dégueulasse, la vieille peau. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, la vieille peau. Ouais. Elle descend, on dirait des gants de toilette, gros. C'est rien, son sens. Elle est dégueulasse, gros. Grand-mère. Elle est belle. Gentille, elle est gentille. Oui, bah, et alors. Gentille, moi je la trouve drôle encore. Oui, voilà. Elle est marrante. Elle est drôle. Bah, elle est dans son monde. Ouais, moi je pense, à mon avis, elle doit se prendre une petite 2-3 verres avant de démarrer. Parce qu'on dirait qu'elle se démarre tout seul des fois. Je pense qu'elle doit chiquer avant de démarrer. Ah ceci. Non, c'est Alzheimer ouais. Ça, c'est la vieillesse. Oh, c'est normal. Ils doivent picoler avant parce que l'autre elle se tape des barres tout seul des fois. Mais nous alors. Ah, mais nous, ça va. Cela de nous, on regarde pas. Lui il est reparti. Il repart tout seul lui dans ses délires. Regardez, le pire c'est qu'il s'arrête oh, pas. C'est une gueule. Non mais faut expliquer quand même qu'on voit des images nous ici. Les gens ils voient pas mais nous on voit des trucs. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Vas-y Quentin, voilà. S'il te plaît. Et alors un autre coup, là un coup de gueule aussi que ça m'énerve. Bon, voilà. Bah, j'ai bossé ma chronique là aujourd'hui. T'as, il a fallu pas ta post-it, il a fallu une feuille. Là, j'ai une gueule. Alors, c'est sur Mathieu. Mon coup de cœur, c'est sur Isabelle. Ouais. La dernière fois, tu l'avais dit la même chose. Hein. Isabelle, mon coup de cœur. Et mon coup de bite à Cyril Luna. À qui à Isabelle ? Ouais, mais Isabelle, je ferais toujours un coup de cœur sur elle. Non, c'est sur le c'est mariage. Pas le... C'est qui qui a fait ça ? C'est Quentin qui a fait le cochon. On l'a entendu. Hein, on l'a putain. Sur le mariage de Angelino et Brad. Ça y est, ils se séparent. Coup de buzz. Genre, ils sont pas d'accord sur l'éducation des enfants. Ouais, mais voilà. Lol. Ah, c'est sur ça ? Ouais. Ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble en plus. Hein. On s'en fout. Bah ouais. Bah, je sais pas combien de temps ça faisait. Mais pas, ça faisait pas 6 ans ou un truc comme ça. Bon, j'en sais rien, mais 6 ans. Plus que ça, j'ai 8 moi. Ouais. Oh, c'est bon pour non mais le foin quoi, on s'en fout, ils divorcent, qu'est-ce qu'on en a ouais, carré quoi. Donc ils en ont fait c'est le grand phénomène hein. Même dans les journaux d'ici. Nous non merde avec les migrants escaquelés, il y a personne qui en parle pendant 107 ans quoi, merde. Là, ils en parlent pendant 307 ans. Enfin, non bref. Les migrants alors ils ont fait deux trucs de sujets dessus, c'est bon. Ouais, c'est la fin quoi. C'est la fin. Ouais. Donc là ils divorcent, on est content. On est content alors. Ça nous soulage. Gros stuff. Et ben voilà, tout est dit en tout cas. Merci en tout cas pour le coup de gueule à Jojo, évidemment, monsieur qui a sa page officielle. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être avec nous là jusqu'à 23h. N'oubliez pas, à 22h, on se fera l'appel des pervers. Ah, et oui. Ce soir, en énorme, hein. Tous les lundis, tous les mercredis, on se fait l'appel des pervers, évidemment. Ça se passe comme ça, évidemment, chaque jour. Là. Je me fais traiter. Hein ? Je me fais traiter. De quoi tu te fais traiter ? Pourquoi ? Ouais, bah, il faut que j'arrête de talquer PTPMP. Ah ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup de touche pour mon poste. C'est vrai qu'il parle beaucoup de touche pour mon poste. Bon, ça marche. Bah, c'est le dernier truc qu'il regarde avant d'arriver à l'émission. Ah, c'est ça. Ouais. C'est là il bosse sa rubrique juste avant d'arriver, tu vois. Le pire c'est que c'est ça, regarde. Non, c'est ici que j'ai travaillé. C'est Quentin qui m'a dit. T'as vu Ouais, j'ai dit. Ah ouais, c'est mon coup de gueule. Alors, heureusement que je suis là. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, t'arrives après la radio, t'arrives, tu regardes le programme de la nuit là, tu sais, sur C8 là, avec la meuf qui lit le livre là. Ouais, pendant. Mais pendant un moment, il se mettait en. Il y avait des nanas qui étaient en porte-jartel et tout, mec. Hein. Ouais, c'est. Il était en quoi c'est pas c'était plus, hein. On l'a vu. Mais si. Et Quentin, qu'on était en train de regarder C8 et que c'était la meuf, elle était en train de lire un livre toute la nuit, elle lit un livre. Elle est. Oui, je connais. Oui, c'est comment ça s'appelle. J'ai jamais regardé. Mais ouais. Normalement, tu vois, alors au départ, ils faisaient ça, cette émission-là, et t'avais des nanas normales, tu vois, habillées normalement et tout, bon, un peu con sur les bords. Mais là, il y a une période où les nanas, elles étaient en porte-jartel et tout, mec, pour avoir un peu plus d'audimat. Ouais, essayer de concurrencer NT1 ou un truc à ce temps-là. Voyage au bout de la nuit, c'est ça, voyage au bout de la nuit. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, là, putain, le temps de réaction qu'il a eu. Non, mais c'est pas le temps de réaction, c'est le temps que je le trouve. Ah, ouais. Mais voyage au bout de la nuit, ouais, putain, ouais, c'était ça. Et la meuf, pendant 3 heures, il y va aller. Enfin, il y va bien, quoi. Ouais, mais c'est chiant, bah ouais, c'est pour t'endormir. Ah, bah, elle est payée, on s'en fout. Ouais. Non, mais elle doit se faire chier parce qu'à mon avis, il a pas de caméraman. Et tu sais qu'il y a. Si, il y a un caméraman quand même. Tu sais non, il s'expliquait justement. La nana, elle est toute seule dans une pièce qui fait à peu près. 5-6 mètres carrés d'un un vieux petit truc avec une seule caméra fixe et elle se fait chier toute seule. Et moi j'ai regardé le best-of, il s'endort et tout des fois. Ouais, là, t'as le pic du nez. Ouais, et une fois aussi j'avais vu quand j'étais rentré de boîte. J'avais vu qu'elle avait perdu la page, donc du coup elle était perdue en fait. Elle savait plus où elle elle disait oh pardon, excuse-moi, je recherche après la page. Bon, ça a duré pendant un quart d'heure quand même. Non, mais tu sais, son petit holo, bah attends, en même temps, lire un livre pendant 4 heures. T'imagines, démarre l'après-midi, tournage à 14h, ils finissent à 18h. Oh, c'est long, un truc de ouf. Bon, reste avec nous en tout cas en direct. On sera le Secret 6 dans mon temps. Le Secret 6. Oh, mais sérieux, lui. Bon, là. Ferme ta gueule, t'en retournes pas. Il fait rien, lui. Mais c'est tous les jours. Au bout d'un moment, faut que t'arrêtes, quoi, merde. Bah, ta gueule, t'as qu'à animer, toi. Tu vas faire. Yes. T'inquiète, Lilia, je vais plus le faire longtemps. Bonsoir et bienvenue à Radio Mix. Lost Frequencies à l'instant, évidemment, en direct ce soir. Au bout d'un moment, quoi. Ce soir, nouveau site, on est diffusé. D'ailleurs, nous salue parce qu'ils nous écoutent ce soir. On est diffusé sur la boxmedia.com. Donc voilà, dédicace à notre ami Pierre-Antoine là qui nous écoute en plus ce soir. Pierre-Antoine. Nouveau partenaire. Pierre-Antoine. En direct. La Boxmedia. Reste avec nous en direct jusqu'à 23h. C'est la libre antenne. Merci d'être avec nous là. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4, d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô ? Monsieur Larteau ? Thierry Piquetou, votre banquier, il s'est passé quoi hier soir, monsieur Larteau ? Alors... Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, monsieur Larteau. Sauf que moi, c'est Sam. Larteau, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi ! Je crois que c'est mort pour le Bhoutan. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Mixplore. Quand les fantômes passent à l'attaque, qui est-ce qu'on appelle ? SOS fantômes. Nouvelles armes ? Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester ? Tu as les bras les plus longs. Nouvelle équipe. On est les chasseurs de fantômes ! SOS fantômes en 3D. Il va se passer un truc énorme. Actuellement au cinéma. Radio Mixplore, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Anywhere you want to go, I follow. Allez, bonne soirée, les sons de Last Vacancies. Merci d'être avec nous jusqu'à 23h. On est là, Alex Libre Antenne. Ça fait bien plaisir en tout cas. On est là. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Sur Radio Mixplore. Merci de passer la soirée avec nous. Ça fait grave plaisir. On est là jusqu'à 23h avec tous vos messages. Et puis, il y a Al qui est avec nous ce soir. Ouais, il y a. Yes. Quentin qui est avec nous ce soir, ouais, également. Il y a Jojo également, oui, qui est avec nous. On est là ensemble. Jojo nous a mis une belle petite veste noire. Noire. Tu peux le dire, une veste de merde. Oh là là, une veste. T'as vu ce qu'il a dit ? Une veste de merde. Je l'emmerde. Ah, bah voilà, tout est dit. Voilà. Merci d'être avec nous. Et bah justement, on va rejoindre. Ça c'est fait. Au suivant. On va rejoindre Al pour le jeu des 5 mots, évidemment. Comme chaque soir, on appelle un hôtel. Et puis le but est évidemment de balancer 5 mots. On va commencer, bah tiens, par l'équipe. On va commencer par Quentin. Quentin, il a un mot là. Quentin, il attend que ça que je l'interroge. Football. Football. Et bah d'ailleurs, tu vas me faire un point sur foot, ouais, là, de tout de suite là. Bah maintenant, tant que Al se prépare. Un point foot là, qu'est-ce que ça donne de côté Liga ? Alors, il y a eu plusieurs matchs qui ont été joués aujourd'hui à 19h. Donc, je vais faire la liste de tous les matchs qui sont terminés. Donc, il y a eu Nice-Monaco. Nice qui a gagné 4-0 face à Monaco. Lyon s'est imposé 5-1 face à Montpellier. Bastia-Nancy 0-0. Angers-Caen 2-1 pour Angers. Nantes-Saint-Etienne 0-0. Guingamp-Lorient 1-0 pour Guingamp. Metz-Bordeaux 3-0 pour Bordeaux. Et il y a un match qui est en train de se jouer actuellement avec 20 minutes de jeu. C'est Rennes-Marseille et ça fait toujours 0-0. D'accord, merci Antoine, en tout voilà cas pour le point foot. La suite, alors du coup, football, le premier mot, Jojo, est-ce que tu as un mot De quoi Bah pour jouer les 5 mots. Ouais. C'est pas parce qu'on parle de football. Perdu, frustré. Ok, frustré. Donc frustré, moi je dirais saucisson. Saucisson. Est-ce qu'on a un autre mot, une auditrice dans le public, un mot peut-être? Attends, on essaie de demander. Peinture. Et grosse gondole. Ah non, on peut pas dire c'est. Bah gondole. Oh bah non, c'était mieux grosse gondole. Bah grosse gondole. Est-ce que grosse tu accordes grosse gondole ou pas? C'est parce que c'est toi, Jojo. Ouais, c'est gentil, merci. On dirait qu'il vient lui faire de remise à Auchan là. Merci, c'est gentil. Merci. Ok, donc les 5 mots suivants qui sont grosse gondole, peinture, saucisson, frustré et football. J'aime bien le grosse gondole. Grosse gondole. On appelle ce soir du côté de où? Mulhouse. Belleville de Mulhouse. Bienvenue dans votre hôtel Ibis de Mulhouseville, gare centrale. Ibis. Welcome to your Ibis. Grosse gondole. Ah, ma grosse gondole là. Eh, il faut demander quand t'es au pervers qui t'appelle la grosse gondole. C'est nous, ma grosse gondole là. De Mulhouseville. Hôtel Ibis, Mulhouseville, gare centrale, Anaïs, bonjour. Julie, je te promets, je suis frustrée et tout. Ah, oui, allô? Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas entendu la sonnerie. Bah voilà, écoutez, je vous appelle bien évidemment pour réserver une chambre d'hôtel. Pour ce soir? Non, du tout. Pour vendredi soir, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, je vais juste prendre mon logiciel. Allez-y. Tu peux éteindre le foot derrière? J'entends pas, madame, s'il te plaît. Ouais, la télé, merci. Non, mais je m'en fous du football. Non, mais éteins-le. Ah, mais j'entends la télé en même temps. Alors, du coup, pour vendredi, donc le 23, pour une nuit. Pour deux nuits, s'il vous plaît, deux nuits. Pardon, excusez-moi. Non, pas de soucis, soyez pas frustrés, y a pas de problème. Pour deux nuits, ok, donc nous, on sera à 61€, pardon, je me trompe. Oui, 61€ pour vendredi et samedi, pareil, 61€. Ouais, mais écoutez, non, mais c'est bon, au niveau des tarifs, y a pas de soucis. Très bien, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous donner un nom d'emprunt? Parce que si je vous donne mon vrai prénom, vous allez obligatoirement rire. Parce que c'est pas facile à porter et c'est très con. Bah, non, mais vous pouvez me donner votre vrai nom. De toute manière, on a besoin d'avoir votre vraie identité. Donc, c'est la draguer. Bah, écoutez, c'est Monsieur Saucisson. Saucisson, c'est très con, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais voilà. Bah, après, je m'en fiche, quoi. Honnêtement, c'est un nom comme un autre. Ah, et votre prénom? Jean-Yves, vous êtes là bien la première à pas rire sur, sur Jean-Yves Saucisson, quoi. C'est... j'ai beaucoup de mal à le porter. Après, on a le nom qu'on a et puis c'est tout, quoi. Ah bah, à la nuit, je préfère Saucisson que Grosse Gondole, hein. Imaginez. Clair. C'est un petit peu... Mais par contre, si je peux me permettre, vous avez une super jolie voix au téléphone. C'est gentil, merci. Vous serez là vendredi? Pardon? Vous serez là vendredi pour m'accueillir, non? Eh non, je ne serai pas là. Ah, dommage. Je serai une collègue à moi. Ah, dommage. Asseyez, du coup, je vais prendre votre adresse mail, s'il vous plaît. Oui, donc, encore une fois, c'est très con. Saucisson. Oui. J-Y. Oui. @gmail.com. Assiste pour la draguer. Votre numéro Assiste. De téléphone C'est pour le privé ou pour le perso, le numéro de téléphone? Pardon? C'est pour vous personnellement ou c'est pour l'hôtel, le téléphone? Absolument pas, c'est pour l'hôtel. Ah d'accord, non, écoutez, vous pouvez le prendre au cas où, hein, parce que moi je suis tombé red dingue de votre voix, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense c'est qu'il... Génial. C'est génial, mais malheureusement on se croisera pas. Ah non, mais bon, on sait jamais, hein, je suis là jusqu'au samedi soir, hein, donc... On ne sait jamais. C'est bien. Ouais, je suis désolée, on ne se verra pas. Mais j'ai besoin de votre numéro de téléphone. D'accord, pour non, mais vous inquiétez pas, je vais vous le donner. Donc le 06 42 oui. 77 oui. 73 14. Très bien. Ah merde! Mais putain! Mais chérie, mais merde, mais prends la petite là, quoi! Putain, cette pute, elle vient de me renverser de la peinture sur le jean, quoi, bordel! Ah, mais merde! Excusez-moi, madame. Ah non, mais je vous en prie. Ah non, mais putain, les gosses, quoi. J'hallucine, quoi. Merde. J'en ai plein le pantalon, quoi. Julie, viens prendre la petite, bordel, ou je lui fous... Ah, raccrocher. Ah, la raccrochée. Non. Ah, si, c'est la raccrochée. Oh merde. La raccrochée. Vas-y, on l'entend. Bah, t'avais quand même les 5. Bah, ouais. Ouais, pas mal. Pourquoi la raccrochée? Bon, à mon avis, elle a compris que c'était un. Canular. Ah, toi, tu la dragues et toi, tu dis que t'as une femme derrière des gosses. c'est peut-être pour ça qu'elle a raccroché. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la ville. Oh, elle a enculé, là, tu sais, ça a enculé au téléphone. Là, là c'est sa femme qui l'a accusé. Là, tu es en train de draguer. Vous êtes belle voix, madame. Est-ce que vous êtes lavé? Est-ce qu'il a pas capté, je crois, là, en fait? Ah, mais... bah, c'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle a raccroché. La meuf est en train de se dire, t'as un salaud, le mec. Non, le bâtard. Hey, comment tu voulais que je casse peinture, quoi? Ah bah bien joué pour les 5 mots là. En plus tu traites ta fille de pute. Ouais mais j'ai fait exprès. Ah t'as dit ta fille pute. Ouais. Franchement t'es dégueulasse. T'aurais pu dire petite pute. Maman. Ah non mais même à partir de 5 ans maintenant, je peux être une pute hein. Y'a plus d'âge pour être on une dit pute. Maman travaille. Bah, exactement. Reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. Pas mal joué les 5 mots là. On se fera l'info à Tox avec Quentin dans quelques instants. On se fera également le retour du Avez-vous vu Chantal qui arrive dans quelques minutes. On sera la question du soir, comment rendre une fille jalouse? Eh ben on en parle dans quelques instants. Bonne soirée en tout cas, merci d'être avec nous. Ça fait grave plaisir, l'émission numéro 1 chaque soir, Alex Libre Antenne. On est là, le tout nouveau Zara Lanson découvert ici même sur Mix Floor. On est là en direct, ta gueule Quentin. Bonne soirée, le son de Zara Larsson à l'instant en direct évidemment jusqu'à 23h. Allez, merci en tout cas d'être avec nous, ça fait grave plaisir. On est là jusqu'à 23h, on lâche rien. Tous les soirs du lundi au jeudi, 21h-23h, Alex Libre Antenne avec toute l'équipe. Ce soir, Al est avec nous. Ouais. Il y a Quentin qui est avec nous également. Oui, Zara Larsson. Qu'est-ce que tu fous, Quentin, avec ta feuille là? Bah je relis mon info intox. Il prépare, il relit tout ça, comme à la messe. Oui. Il y a Jojo qui est avec nous ce soir, évidemment. Jojo qui débarque dans quelques minutes avec le Avez-vous vu Chantal, le retour. C'était quand la semaine dernière? C'était jeudi qu'on a appelé le vieux là. Oui. Ah, il était pas mal aussi. Hein. C'était bien le vieux. Mais avant ça, la question du soir, comment rendre une fille jalouse? En baisant sa mère. Oh pardon. Ça mérite d'être clair au moins. Comment rendre une fille jalouse, Quentin, à ton avis, comment rendre une fille jalouse toi? Pour rendre une fille jalouse, bah ouais. Tout simplement par la d'autres. J'ai pris d'autres le plus filles. Simple. Ouais. J'ai pris le plus simple. Ouais, ok, par la d'autres. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ça, comment rendre une fille ou jalouse. Ou alors parler à d'autres et ne pas montrer les conversations à l'initiale. Enfin celle initiale, celle que t'as. Ouais, en fait tu caches ta conversation quoi. Voilà. Tu couches avec une autre qu'on dit François là, avec sa meilleure amie c'est encore mieux là, Florian. Tu vas avoir d'autres filles, Axel. Tu regardes une fille passer dans la rue, Amandine. Pas très bien de rendre une fille jalouse, c'est dangereux, comme dit Julien là. Bon voilà, on a. Tu te potes tranquille en terrasse pour boire un verre solo et une pote passe, s'arrête et boit un verre. Puis là c'est que ta meuf passe. Cyril, qu'est-ce que me dit d'autre? Ne pas laisser regarder ton téléphone alors que tu es toujours dessus. Voilà. Bah ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tout dépend de la fille en question. Voilà, tu vas draguer notre nana, bah ça revient souvent, tu lui parles de ton ex. Ah ouais, ça c'est. Ouais, ça, ah ça c'est pas le bon plan. Tu ça, lui ouais. parles de ton ex, ça c'est pas le bon plan. Bah non, mais ta pute. Après tout simplement mon ex elle me suçait. Et toi non. Oh, ça c'est salaud ça. Après tout simplement tu l'ignores quoi. Ton ça ex elle aussi, me foutait des doigts dans le trou de balle et pas toi. Hein. Ouais, ça arrive souvent ça. Allez, va voir ta pute là. Ah, tu vas bosser en discothèque là. Va voir tes sales putes là en discothèque là, les gros chaudasses là. Et là, tu dis avec un grand sourire, bah oui, j'y vais. Bah, et là, ouais. Là, c'est terminé. Non, alors, moi pour énerver, moi, avec mon ex, moi, ce que j'ai là, qu'elle partait en discothèque, c'est je partais en boîte travailler. Ça. Elle dit, ah, tes putes. Je dis, ah, je vais voir les putes là, je vais bien les baiser les putes là. Je vais les prendre sur les platines. Ouais, ça énerve. Oh, peut-être pas quand même, mais. Oh non, les prendre sur les platines, c'est chiant parce qu'après, ça déconne et tout. Allez, c'est quoi, je parle. Cette fameuse du soir du 19 février. Enfin, bref, non, je gueule. Cela ne nous regarde pas. Le 19 février, on était ici en direct en plus. Mais. Mateux. Bah, si c'était le 19-20. Voilà. 19-20. En tout cas, cette année, ça va être encore fort là pour les 6 ans de la radio. On a prévu autre chose. Ouais. Et c'est, vous avez fait les 24 heures. Ouais. Vous ne ferez pas les 35 heures non, de la radio. Non, non, mais 35 pourquoi les 35 heures déjà 24 heures. Allez, moi, on était déjà au bout du rouleau. Je pense que 40-35 heures, il y en a un qui est mort. Les 35 heures, mourir. C'était Cyril Hanouna qui voulait les faire. Non, mais ça, si. C'est, si, il le fait. Ça, il le fait. Ah, il le fait. Okay. Ouais, mais il a des pubs et tout. Il aura le temps de se poser. Mais si on aura des pubs. Non, mais vous n'avez pas de 2 minutes 32. Eh, t'imagines, t'as même pas le temps de filmer une clope correctement pendant une pub, alors je te dis pas. Ah, c'était pas mal les 24 heures en tout cas. Mais non, mais après, si on fait toujours la même chose, c'est pas marrant. On va innover, t'inquiète pas. On va faire une émission en direct de quelque part. Ça va être unique aussi. Ça sera pour les 6 ans, on en reparlera. Ça sera le courant février. Toi, Al, comment rendre une fille jalouse? Bah, ouais, après, ouais, je sais pas, ouais, draguer une de ses copines. Ouais, l'ignorer tout simplement. Toi, t'as déjà, quand t'as déjà. Tu t'es déjà fait péter un plomb par ta meuf parce que. Oh! Elle écoute même plus! Terrible! Elle écoute même plus! Terrible! Ah ouais, bah. Raconte 2-3 anecdotes! Question d'habitude! Raconte 2-3 anecdotes! Oh bah, c'était ce que je viens de dire! Hein. Genre, je parle à d'autres. Amis! Ouais! Et ça a mal passé quoi! Ouais! Bah, c'était le genre. Tu parles à qui? Montre la conversation! Moi, je voulais pas, c'était. C'était tout professionnel quoi. Ouais. Non, peut-être pas professionnel mais en plus c'était assez personnel quoi. Ouais. Là, s'il est avec sa meuf, il parle à d'autres meufs quoi. Ah, ses amis, c'est tout. Ah ouais. Après, ouais, personne ne peut comprendre. Bah, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Ouais. Hey, excuse-moi, mon pote à chatte, c'est pas les amis ça. Mais faut... tout ça, c'est terminé. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça, évidemment. Ah, il y a les grimaces qu'il fait derrière le micro. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une de la radio, on peut se. On peut se lâcher, ouais, tu fais ce que tu veux, mec. Quand t'as une copine, attends, y'a bon. Ouais. Ouais. Elle s'appelle comment ? Amandine. Amandine, bon, dédicace à Amandine. Que j'embrasse. Laquelle Amandine ? Oh, je peux dire une boutade parmi tant d'autres. Ah, c'est elle qui m'a envoyé un message, tu peux dire mon prénom à l'antenne, s'il te plaît ? Tu confonds la fille du maire qui a offert le gâteau. Ah non, merde, ouais, non, mais attends. Non, mais il sort pas avec la gamine de 17 ans, quand t'as, c'est pas un pervers. Si, je te jure, regarde, mec. Ça va arriver après, ouais. Non, elle m'a écrit, disais mon prénom, s'il te plaît. Disais. Ouais, mais disais quand on va dire son prénom. Bah, Amandine. Amandine. Voilà. Voilà, ça fera 5 euros. Voilà. Jojo, toi c'était. Enfin, moi je suis célibataire, j'ai rien à foutre. Non, c'est dans le caca jaloux. Hein? Dans le caca jaloux. Bah, j'ai jamais fait. Non, t'as jamais fait, non? Non. Je suis pas jaloux. Ah, t'es non, pas... mais toi, rendre quelqu'un jaloux. Ah non, j'ai jamais fait. T'as jamais quelqu'un énervé, tu sais? Non. Bah, je sais pas, invente un truc au moins. Bah, non, mais je peux pas inventer. Bah, si, il a dit tout à l'heure, tu baisses sa mère. Voilà, c'est tout. T'es, tu ferais ça? Non. Voilà. Je baiserais son père. J'ai vu sa tête. La tête qui a. Ah, il l'a cherché en même temps. Ouais. Et il a ah, en fait, ça m'a étonné qu'il dise je baisse sa mère. Et là, en fait, il m'a regardé avec ses yeux, j'attendais qu'il me dise. Vas-y, vas-y, écarte les poils là. Vas-y. Allez, montre-toi que tu es une salope. J'ai envie de saucisson. Et t'as envie de qui? Il y a mon papa qui m'envoie un SMS qui me dit pour les 35 heures, tout le monde participe. Voilà mon papa qui écoute. Bon, Accent. Eh ben bah, bonjour papa. Eh, va faire la vaisselle. On peut dire son prénom à l'antenne ou pas? Hein? Son prénom, juste ouais, son prénom. Il s'appelle Bernard là. Je crois que c'est Bernard là. Bernard, tu pourras faire un bisou à ta femme, hein? Ma père. Voilà, dédicace. Bon, merci en tout cas d'être avec nous là. Non, mais justement, dans les pervers là, ils arrivent dans quelques instants. À 22 ans, on se fera. J'étais toute chaude ce soir. Ah, j'ai envie. Ouais, ce sera ça. Oui, j'adore. J'adore ça, oui. Je sens trop tôt là. Eh ben en plus, il a vraiment joui là, le Quentin là, tout à l'heure quand on a fait. Non, pas Quentin. Alors, mais si, t'as le droit de dire que Quentin il a joui pendant qu'il a fait Quentin, pas Quentin alias Charlotte, mais. Ouais. Il en avait plein de culottes. Ah, si, parce qu'il a vraiment. Merci. Best à culotte, c'est moi qui pilote. Bon, ouais, voilà. Dans quelques instants, on fera le avez-vous vu Chantal là. C'est très simple pour ceux qui n'enchaînent en direct. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on cherche Chantal. Jojo, il va appeler des numéros de petites vieilles et puis il va demander si Chantal elle est là. Attention, ça a donné du très très lourd la dernière fois. Donc on va voir si ça va marcher cette fois-ci. En tout cas, juste après la dernière bombe de Selena Gomez. Ça, c'est une belle petite. Ah, il a réussi à le dire correctement. Ça va encore. En direct, jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous, Alex Libre Antenne. Bonne soirée. Can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Now. bonne soirée. Le son de Selena Gomez à l'instant en direct, 21h42. On est là, on bouge pas. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Jusqu'à 23h, on est là, c'est mercredi soir, jour des enfants, jour du sortie ciné. Voilà, c'est mercredi, on aime bien les mercredis. Voilà, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Jojo qui est toujours avec nous en direct, oui. Il y a Quentin également, ouais. Ce soir, et puis Al qui est avec nous également. Ouais, toujours. On est là ensemble et c'est l'heure du Avez-vous vu Chantal ? Alors, avez-vous Chantal, c'est pour ceux qui nous rejoignent en direct, c'est très simple, Jojo va appeler les numéros de petite vieille, c'est méchant. Hein. Mais on s'excuse d'avance. Et notre but est de trouver Chantal. Alors, est-ce qu'un jour on va tomber sur Chantal ? J'aimerais bien. C'est là qu'on me répond oui à ta Bah ouais. Bah justement, c'est le but, ça sera bien. Ah ouais. Donc, on va demander si Chantal elle est là. Alors, on va déjà appeler un premier numéro et elle s'appelle Francine. Ah, évidemment, on appelle les noms complets. Vas-y, Francine. Alors, demande pas où j'ai trouvé le numéro, je crois que c'est en Franche-Comté, enfin dans les pays comme ça. On s'en fout. Dans la région Franche-Comté. Donc, c'est Francine le premier numéro. J'espère que ça répond parce que ce temps-là. Allô. Oui, bonsoir. Est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît? Un homme. Allô. Bah, je suis bien chez Francine. Oui. Oui, écoutez, elle m'a donné votre numéro de téléphone. Apparemment, elle devait être chez vous. Allô. Mais qui Chantal? Je comprends pas. Chantal Matata, en fait, parce que je vous explique, elle était apparemment partie chez vous. Boire un apéro, mais elle est partie avec la gamme de bois de mon grand-père. Donc il faut impérativement qu'on récupère sa jambe de bois, quoi. Oui, bah, si. D'accord, je comprends pas du tout. Vous comprenez pas. Chantal, elle est pas chez vous. Non, elle est pas chez moi. Bah si, moi elle m'a donné votre numéro. Je donc connais elle est chez pas vous. Chantal. Ah bah si. Si, elle m'a donné. Au c'est revoir. Bien Francine. Ah, elle a raccroché. Oh, oh, j'aime bien le ça, en plus, ça me fait mal au cœur. Je sais pas, là, j'ai entendu la petite voix de madame. Là, ça, là c'est dégueulasse. L'idée, la jambe de bois, mais ça fait bien rien en tout cas. Ah, c'est. Bon, là, vas-y, on rappelle la deuxième numéro. Là. C'est qui? C'est qui une... Merde. André. C'est qui lui? Ça tombe, c'est un mec. André, ouais, je crois que c'est un mec, ouais, André. Ouais. André, bah, je veux pas dire tonton c'est André. Tonton André. Hein? Attends, de quoi? Je veux pas dire tonton André, du coup. Attends. Attends, parce que le numéro, du coup, je crois que le numéro est même pas valide. Attends, voilà. C'est une nouvelle vidéo. Ah, merde. Attends, le standardiste. Oh, il galère. Ah, bah attends, on n'a pas de standardiste, on doit engager un standardiste ici. Attends. Oh, l'excuse bidon. Allez, on appelle André. Ça sonne, ouais. Après, si André répond pas, on a Jean-André. Attends, Jean-André, t'as le nom complet, ça. Ah, c'est... Ouais, voilà, c'est monsieur. C'est Jean-André, ouais. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bah, est-ce que André va répondre? Bonjour, votre correspondant est absent pour le moment. Connasse. Du coup, on va appeler Jean-André. Pauvre madame. Jean-André, alors là. On va appeler Jean-André. Est-ce que Jean-André va répondre? Oui, alors? Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît? Chantal, je pense que c'est une erreur. Ah non. Monsieur qui demande Chantal. Bah non, parce qu'elle m'a demandé, elle m'a donné votre numéro de téléphone, elle m'a dit qu'elle était chez vous. C'est une erreur. Ah ben, moi, elle m'a donné le numéro là, donc elle m'a dit qu'elle était chez vous. J'ai besoin impérativement d'avoir Chantal. Parce que là, je suis avec on la police, pas... donc on m'a donné le numéro là, donc il faut impérativement que j'ai Chantal. Mais monsieur, il n'y a pas de Chantal ici. Bah écoutez, elle m'a donné le numéro là, donc c'est bien chez vous. Excusez-moi, ah j'ai pas inventé le numéro. Hein. Non, il n'y a pas de Chantal ici, monsieur. Ah si, il y a Chantal. Non, monsieur. Bah, je vous explique. Alors rapidement, je suis sûr que vous allez comprendre. C'est ma tata, en fait, hein, Chantal. Là, je suis avec la police parce qu'en fait, elle est partie avec la jambe de bois de mon tonton René. Et le problème, c'est qu'on doit récupérer la jambe de bois. Donc, Vous racontez là des bêtises. Ah là. Non, pas du tout. Oh, la jambe de bois, ça passe pas. Oh, putain, non, c'est lui qui me dit la jambe de bois. Dis la jambe de bois. Ou tu dis, je sais pas, mamie, elle a la Alzheimer, elle s'est barrée avec le dentier de. Il rappelle pas trop autre chose. On appelle Robert là. Et c'est Robert. C'est Robert. Bah, vas-y, c'est pas si, c'est Robert. Robert l'amoureux. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que Chantal est là, s'il vous plaît? Ah, mais elle habite pas là. Ah, ben elle m'a donné votre numéro de téléphone. Elle doit dormir. C'est la part de qui? C'est la part de son neveu. Fred. Neveu. Elle aime tellement. C'est son neveu Fred. Ah, Fred, à Toulouse? Oui. Non. Hein? Oui, oui, c'est ça. Mais Gargo. Le problème, c'est que j'ai besoin... Gargo. Hein? Gargo. Oui. Mais elle est chez elle. Oui, mais elle m'a donné votre numéro de téléphone et elle m'a dit qu'elle était chez vous, en train de boire l'apéro. Ah non. Ah non, elle n'est pas là. Bah si, elle m'a dit qu'elle était chez vous. Mais elle n'est pas là. Mais en plus, j'ai un gros problème là. Je dois impérativement la voir et bon, chez elle répond pas, c'est pour ça que j'ai eu ce numéro-là. Moi, elle m'a dit clairement cet après-midi, appelle-moi là et je serai ce soir chez vous. Donc, vous mentez pas, j'espère. Quel numéro elle vous a donné? Bah, le numéro que j'ai actuellement là. Bah, là, je suis avec mon téléphone portable, donc le numéro est sur mon téléphone portable, donc je vois pas. Oui. Donc, Ah non, mais là, je l'ai vue, elle est venue ce soir à 7h, là, mais elle est restée 5 minutes, elle est repartie. Elle est chez elle. Et est-ce qu'elle avait une jambe de bois avec elle? Comment? Est-ce qu'elle avait une jambe de bois avec elle? Une jambe de bois? Qu'est-ce que vous racontez? Bah, parce que c'est une grosse coquine, parce qu'elle a piqué la jambe de bois à mon tonton René. Donc, du coup, on est un peu en train de rechercher la jambe de bois et on cherche en même temps Chantal, quoi. Ah, mais moi, écoutez, moi, je sais pas ce que vous racontez. Moi, je peux pas vous dire. Non, mais moi, il faut que vous. Non, mais sérieusement. C'est pas chez nous, c'est toujours que. Si, elle est chez vous. Non! Si, elle est chez vous. Ah, bah, mais non, mais je vous dis que non. Ben, allez, si. Hop. Pas mal. Allez, hop. Ouais, pas mal. Dida, tu n'y vas. Elle était bien. Je sais pas ce qu'il sait, le standard, il est en train de péter à plomb, chaque fois, il entendait. Ouais, on entendait. Ouais, c'est un standard qui envoie des SOS en même temps. J'ai bien aimé un moment, elle a fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, dernière tentative, on l'appelle. On l'appelle Francine. La friterie Francine. Friterie Francine. C'est une friterie? Allô? Allô? Francine? Oui? Oui, Chantal, est-ce qu'elle est chez vous, s'il vous plaît? Comment? Chantal, est-ce qu'elle est chez vous? Et qui êtes-vous? Bah, je suis son neveu. Ah, j'ai pas de Chantal chez moi. Bah, si, elle m'a donné le numéro là, elle m'a dit qu'elle était chez vous. Qu'elle passait la soirée chez vous. Quelle Chantal? Bah, ma tante Chantal. Chantal comment? Chantal Agnoret. Elle m'a dit qu'elle était chez vous. Numéro, hein. Ah, bah non, elle m'a dit que c'était chez vous. Vous êtes bien Francine. Je connais pas de Chantal Agnoret, moi. Ah bah c'est bizarre, parce que moi, elle m'a donné ce numéro-là. Faut que vous me la passez, écoutez. C'est important. Et quel est votre nom? Passez-la moi. Bah moi, c'est Fred. Fred comment? Agnoret. Bah c'est ma tante. Je vous connais pas? Bah écoutez, moi non plus, je vous connais pas, mais elle m'a donné ce numéro-là, parce qu'elle m'a dit que son téléphone portable était en panne. Elle m'a dit, bah appelle-moi, je serai chez ma copine. Ah, mais moi, j'ai pas de copine qui s'appelle Chantal Lanurie. Bah, si, j'en suis sûr que c'est une blague que vous êtes en train de me faire, là. Non, mais écoutez, c'est vous qui me la faites, parce que non, vous avez un numéro tout. Secret, moi, j'ai pas de numéro secret. Ah, bah, c'est avec mon portable, donc je sais pas comment on fait pour l'enlever. Mais moi, elle m'a dit qu'elle était chez vous. Oui, mais un numéro secret, je m'en méfie. Jamais je décroche, j'aurais bien fait. C'est une histoire encore de. Ah, bah, non, c'est pas une histoire, c'est vraiment important, j'ai besoin de parler à Chantal. Moi, elle m'a dit qu'elle était bon, chez vous. Bon, j'ai pas de Chantal. Bah, si. Putain, mais tu as busy. Oh merde! Putain, c'est court là! Oh là là, bon, c'est pas grave. Là, j'ai fait. Pile poil de quoi quitter la ville, les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ouais, pas mal quand même, finalement, on a eu une petite doublette là, en tout cas, en direct évidemment. Je sais pas ce qu'il a le standard là, il fait de temps en temps, et dans le Marlinium Parkinson, il fait. Bon, restez en direct avec nous, on est là jusqu'à 23h, bougez pas, dans moins de 10 minutes là, on retrouve. Pas Charlotte ce soir, c'est Fanny! Fanny, oui. Fanny qui va faire jouir Eric. Salut, c'est Eric. Fanny Tables. Bon, allez, restez avec nous. En tout cas, on est en direct évidemment jusqu'à 23h. Bonne soirée à tout le monde. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. C'est en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma.

Quelle méchanceté. La grosse bite. Vous êtes déjà tombé sur des gens chelous un peu des gens bizarres, vous êtes jamais tombé sur des gens bizarres non. Même pas que sur le sexe, hein, mais sur des gens bizarres tout court. Ah, des gens bizarres, ouais, on entend. T'en as partout, mec, t'as que ça. Ouais. C'est bien normal en ce moment. Ouais. Du genre. Du genre, wesh, ça va ouais. T'as pas de cigarette. Non, ça c'est peine de stagiaire, ça. Ou alors moi. Non, mais enfin, des trucs chelous, ouais, ça arrive. Ouais, quand t'as. Non. Bah, lui, quand t'as pas de problème, il habite à la campagne. Voilà. La campagne c'est trop génial. Lui il habite dans un cambrousse, alors du coup il est pas emmerdé par tout ça lui. T'as mais... déjà rencontré une vache chelou? Une vache folle. Non, jamais non. En parlant de, de vache, t'as vu Google Street View, ils ont flouté la tête d'une vache pour qu'elle reste anonyme. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Bah, ils ont que ça à foutre. Moi j'aime bien les trucs, la Google Street la View là, parce qu'il y a des mecs qui passent leur temps à rechercher s'il y a des failles. Ouais. Tu sais, qu'on voit des gens baiser entre deux murs ou un truc comme ça, tu sais. Et après, bah, les oui. images. Bah ouais. Ou alors t'en as qui font les cons sur les... Parce que c'est la voiture, c'est une voiture c'est Google, voiture, qui, passe. Voiture, ouais. qui passe. Ouais. Et en fait t'en as qui capte direct le gros appareil photo Google. Ouais. Et t'en as qui font les cons vraiment sur le truc. Bah c'est ça, moi j'aimerais bien, moi il est passé cet été en plus en Calais, là, oui. moi, j'ai vu la voiture. Mais moi j'aimerais bien au moment qu'il passe, tu imagines, il passe dans la rue du studio, on se met tous contre le carreau, c'est le même moment, tu sais. Et après c'était dessus quoi. T'es flouté. Hein t'es flouté. Non, t'es pas flouté. Si, si, t'es flouté. Non, t'es pas flouté. Si, si, les têtes sont floutées. Toutes les têtes sont floutées. Ah, toutes les têtes sont floutées. Ouais, ouais, donc ça même les plaques d'immatriculation, ouais, mais bon, ce qui est logique. Nous verrait quand même faire le con. Ceci dit, attends. Bon, on peut faire une photo et le mettre sur Google hein, si tu veux. Pas besoin de la voiture. Hein. Ah, mais c'est mieux sur Google. Merci Jojo. On met sur Google, hashtag Google et tout. Est-ce qu'il y a un auditeur qui dit. Parce qu'il t'a dit si tu avais froid avec ta veste. Oui, j'ai dit tu oui. Répondu oui. Il m'a répondu demande à Alexis qu'il te fasse un câlin. Bah tiens, attends, on va te faire. Ah, c'est le Marseillais. Ouais, ouais faire reculer. C'est le Marseillais, il nous écoute. Allez, tout de suite, allez, 21h59 là dans le milieu, on appelle. Là, on va attendre toujours 22h. Alors, on va s'appeler les pervers là. Faut que je vienne te mettre des gueules dans la chatte là. Ah, ouais. Bah, en ce moment, c'est notre Bruno National que depuis lundi en tout cas. Qui nous a quitté. C'est ouais, notre Bruno National qu'on avait l'habitude d'appeler en tout cas, qui est notre pervers évidemment. Faire ouais, j'aime bien. On l'aimait bien là. Là, c'est peut-être trop tôt là. T'as joué mais c'est là parce que ah oui, t'as joué pas. Ah oui mais j'ai joué. Excusez-moi, Rook, écoutez bien ces deux versions. Attends. Ah, une main complète dans ta chatte. Attends. Ah, il y a une certaine expression dans leur voix qui explique direct que c'est des pervers en fait. Tu les entends direct. Ah, oui. Ah, là, c'est des gars qui ont pas l'habitude de niquer. Ça s'entend, c'est obligé. C'est des vieux. Ils sont tellement chauds que. Bon allez c'est parti, on s'appelle le pervers du soir, il s'appelle Eric, il a 51 ans, c'est ça, attends c'est quoi la c'était fiche c'était ça ouais. Attends, merde 52 je crois. Attends j'ai la fiche, attends c'est marqué quoi. Ah non si, ouais, si, ouais, si. Ouais ouais. Et toi tu te fais passer pour Fanny 32 ans de. C'est exact. Qui habite à côté de Lille là. Oui. Vous êtes parlé sur le chat. Ouais. Vous avez donné deux surnoms. Oui et Alors lui c'est, vous allez le découvrir vous-même. Ouais, lui il t'appelle ma grosse salope. Et moi je l'appelle ma grosse bite. Je crois qu'on va se marrer. Ça a été énorme ce soir. Écoutez, c'est parti. C'est l'appel pervers du soir à 22h tout pile. En direct, évidemment, on est là jusqu'à 23h. On appelle Eric, c'est parti. Allô. Allô, ma grosse bite. Ça va, ma petite salope. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je te dérange pas? Non, non, ça va. T'es tout seul? Ouais, là, je suis seul. Ouais, super. On peut profiter un petit peu alors. Hein? Je dis, on pourrait profiter un petit peu alors. Exactement. Bah, moi aussi, je suis tout seul là. Ouais. Super. T'es chez toi, toute seule? Ouais, oui, oui, oui. J'ai rentré. T'es habillé comment? En petite nuisette. Ah. Je me suis fait plaisir ce soir. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Impeccable. Bien. J'ai envie de te caresser, ma cochonne? Oui, très. Hein? Beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est bien ça. Bien. J'aimerais que tu te déshabilles. Bah d'ailleurs, j'ai un petit peu commencé. Tu enlèves tout. Pardon? Tu enlèves tout. Ah, j'ai déjà tout enlevé aussi, oui. Oh, c'est bien. J'aimerais que tu caresses tes seins. Là. J'ai commencé aussi. Ah bon? Et figure-toi que j'adore, hein. Ouais, t'adore? Ah oui. C'est ton mamelon qui pointe? Oui, oui, oui. Bien, pince-les un petit peu, c'est dégraissé. Excuse-moi, je t'entends très mal. Moi aussi, je t'entends pas trop bien. Je dis pince un peu tes mamelons. Oui, c'est fait. C'est des pointés. Est-ce que ça te dit de me donner des ordres? C'est ce que je suis en train de faire. C'est bon. Je veux que tu caresses tes seins et que tu fasses pointer tes mamelons. Ça y est, je le fais. Vas-y. Il pointe oh, bien. Oui. Tu peux passer ta langue si tu veux. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai envie de te caresser la chatte, là. Ah, j'ai commencé aussi, oui. Ah, t'as commencé aussi? Oui, oui. Ah, ton clito, il commence à durcir. Oh oui, et hein, je commence à mouiller aussi. C'est bien, vas-y. Va mouiller, continue à te caresser. Hein, et toi ça, ma salope, hein. Et toi, tu commences hein, à te branler aussi? Ouais, je suis en train de me branler. Oh. Hein, je t'imagine en train de te caresser, ma salope. Je commence à mettre un doigt, là. Vas-y, c'est bon, vas-y. Vois ta petite chatte. Oui. Elle est bien ouverte. Je veux t'entendre gémir. Hein. Dis-le, c'est une salope. Dis-le-moi. Oh, je suis une salope. Ouais, c'est bien. J'adore. J'adore être une salope. Hein. C'est terrible l'effet que tu me fais. Mouillir. Vas-y, caresse-moi. Caresse-toi, ma salope. Oh oui. Mmh. Oh. J'aimerais te lécher ta chatte. Ah, mais tu peux, hein, viens. J'aimerais, hein. Et toi, ta bite, elle est toute dure ou pas? Hein? Ta bite, elle est toute dure ou pas? Oui, ma bite, elle est dure. Ouais. Je peux venir la lécher? Ouais, t'aimerais, hein, que je vienne te lécher ta chatte. Ouais. Puis je te prends les couilles aussi. Ah oui. J'adore. Ta chatte, je vais te doigter comme tu pues. Ah oui. Il a fait ta rondelle, ma salope. Ouais. Accélère un petit peu plus. Hein? Accélère un petit peu plus. Ouais, salope. Hein, oh, ma chatte. Hein. Pardon? Dis-le que t'as envie de bite. Oh oui, j'ai envie de bite. Hein, comme ça, hein? Oh oui. Hein? Vas-y, enfonce tes doigts dans ta chatte. Oh, c'est fait. J'en mets trois. Et... Ah, en plus, ma chatte, elle est ouverte comme une moule. Oh là là, salope. Qu'est-ce que j'aimerais être là. Fourrer ma grosse bite dans ta chatte. Oh oui, bien profond. Oh oui, ma cochonne. Oh, t'es une bonne chienne, toi. Hein. Oh oui. Hein. Oh oui, je vois ça. Oh, accélère un petit peu plus. Ça, accélère un petit peu plus. Ouais. Je te laisse ta chatte et je te dois ton cul. Ah oui, mais en deux ou trois. Oh oui, oui, je vais te dilater à fond, ta petite rondelle. Vas-y, accélère, vas-y. Après, je vais mettre ma grosse queue dans ton cul. Enculé, ma salope. Oh oui. Oh, tu m'aimes bien, ma chienne. Oh oui, j'adore. Tu ruisselles. Oh oui, hein. Traite-moi, vas-y. Oh, dis-le, t'es une pute, dis-le. Oh oui, je suis une pute. Ouais. Oh oui. T'es accro à la bite, hein. Oh oui, je suis accro. J'aimerais que je te baise, hein, ma salope. Oh ouais, par derrière. Ah oui. Traite-moi encore. Par derrière et m'accrocher à tes grosses seins. Ouais. Traite-moi encore. T'es empalé ma bite à fond dans ton cul. Encore. Oui, ma salope. Oh. Bon, hein. Je te fais mouiller, hein, ma chienne. Branle-toi encore plus vite, vas-y. Oui. Oh, bébé, j'ai envie de t'enculer grave, là. Encule-moi, alors. Oui. Bien profond. Regarde toi, ma salope. Oh, oui. Oh, ma chérie, vas-y. Prends-toi. C'est bon, hein. Jouer encore bon, plus. C'est bon. Oui, vas-y. Oh, vas-y. Vas-y, tu me tiques, vas-y encore. Oh, j'ai envie de toi. Oh, bébé, j'ai envie de te prendre. Oh, vas-y. Tous les trous, mettre ma bite dans ta bouche, dans ton traite-moi encore, dans vas-y. Ta chatte. Ah, salope. Ah, oh, vas-y, t'es une bonne pute. Ouais, je suis une bonne pute. J't'adore. Ma salope. Oh, comment t'es bonne. Je suis une grosse catin. Hein? Je suis une grosse catin, même. Oui, oui, putain. Vas-y, accélère. Oh, oui. et je vais t'es toujours ta chatte ouverte. Jouis encore plus. J'ai envie que tu te fasses baiser partout, salope. Jouis hein? Encore plus. Tu veux de la bite, tu veux oh, en oui, avoir veux. De la bite. Hein? T'es vraiment qu'une petite pute. Ah oui, c'est bon, hein. Dès que t'as fini, tu me l'as dit. Hein? Dès que t'as terminé, tu... T'hésites pas à ouvrir. Ouais, ok. Oh, pour l'instant, j'ai bien raide. Hein. Ah oui, oh. Tu peux venir la sucer. Ouais. Oui, si tu veux. Oh, tu aimerais me sucer ma bite, hein. Je peux la prendre comme une glace ou pas? Oui, tu peux faire ce que tu veux. Ma oh, vas-y, encore, plus vite. Oui. Bien à fond, vas-y. Pour... Comme je fais. Oui, oui. Allez, vas-y. Encore. Ah, bébé. Oh, oui. Oh, ma pute. Ah, oh, tu me donnes envie. Vas-y. Ah, je vais jeter. Vas-y, gicle. Gicle. Oh, ma chute. Oh, ma pute, comment t'es bonne. Je sais, je sais. Oui. Oh, j'ai de la cuisine là. Corps. Ah, j'ai mis du sperme partout. Oh, je peux venir lécher. Oh, oui. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, je t'appartiens. T'as mis du sperme où? Hein? T'as mis du sperme où? Sur mon ventre. J'ai plein de sperme sur mon ventre. Ah, je me suis branlé en étant allongé. Oui. Ah. Je peux venir lécher sur ton ventre ou pas? Oui. Oui. Je te donnerai tout mon jus. Ah oui, hein, je peux faire un cocktail avec ou pas? Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah oui. Je suis à toi, je t'obéirai, ma salope. Ah oui, mais c'est quoi ton fantasme? C'est d'être dominé. Mets-toi un doigt dans le cul, oui. Vas-y. Oui, tu veux que je te fasse le cul? Ah oui, c'est mon fantasme. Oui, je vais le faire alors. Oh, vas-y. Mets-le bien profond. Oui. Oui. C'est ça. Oh, on la doigt. Vas-y. Voilà. Je m'enfonce un doigt dans le cul, là. Et fais des allers-retours. Des va-et-vient. Ça sent bon. Ça, oui. C'est bon aussi. Oh oui, j'adore me doigter de cul. Hein? Tu aimes? Oh oui. Oh, moi, je suis à trois doigts, là. Ah, tu aimerais me goûter? Oh oui. Tu peux, tu peux rajouter des doigts ou pas? Ouais, je vais en mettre un deuxième. Oh. Oh. Ouf, ça sent. Deux doigts secs. Oh oui, mets-en un troisième si tu peux. Ah, oh, ça a du mal à rentrer. Eh ben, laisse à deux, juste deux et tu fais des va-et-vient. D'accord. Et vas-y vite. Oui. Voilà, je vais vite, je me dois. Oh. Oh. Vas-y, continue, là, ça va arriver. Ouais. Vas-y. Comme le sang. Je vais mettre la rondelle pour toi. Vas-y. Encore. Oui. Oui. Oh. Oh, c'est bon, c'est déjà fait le cul. Oh, c'est vrai que c'est bon. T'es le seul mec qui arrive à me donner autant de plaisir, en plus. Hein? T'es le seul mec qui arrive à me donner autant de plaisir. Ah ouais. Oh oui. Vas-y, continue là, ça va arriver. Vas-y, encore plus vite. Plus vite. Oui. Encore. Ah ouais, non, mais il y a fond. Ah oui. Ça y est, j'ai terminé. Tu as joui, pardon? Hein? Tu as joui? Oui, j'ai joui. Ah, cool. Ah, moi, je continue à me doigter un petit peu, là. Ah, ah j'adore ça. Il est gourmand, là. C'est bon. Il en veut, lui. Hein. Ah, ah j'ai, non, mais... j'ai kiffé. T'as kiffé? Oh, oui. Et c'était bon, ma salope? Oh, oui, c'était bon. Bon. Je te remercie beaucoup. Hein. Ben de rien, une bonne soirée à toi, Sam. Bonne soirée, hein? Ciao, bisous, bisous. Bisous, bisous, ma salope. Ah, énorme. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché. Ouais, énorme ce soir, là, lui, avec le pervers. Dans les rues, je vagabonde, j'ai mérité, dans les rues, je vagabonde. Eh, énorme quand même. On peut applaudir Quentin quand même. Quentin, ouais, ouais. Eh, mais t'es un malade. Hein. Eh, j'ai des gens qui me parlaient, ils disaient qu'ils étaient morts de rire, mais à la fin c'était un peu crade. Et, Je reçois que des messages, les gens sont pliés de rire. Mais le pire, le pire, c'est que j'avais terminé et le mec il continue à se mettre des doigts dans le cul. Ah, c'est dégueulasse. Eh, rendez, on a signé un CD, alors ce qu'on a dû couper un peu au montage, mais rassurez-vous, on a encore discuté avec lui après. Et rassurez-vous, le prochain pervers, on va le rappeler, on va le rappeler dès lundi soir. Dès lundi soir, ouais, Eric là, il s'appelle Eric là. Eric. Donc Eric, on va le rappeler dès lundi soir et puis on lui demandera s'il peut mettre des pommeaux de douche dans son cul. Non, commence soft, pas un god, un truc comme ça. Là, mais t'inquiète, on vient. On va essayer de le chauffer, enculé là. Bon, attends, c'est dégueulasse. Allez, bonne soirée en tout cas, là. Merci d'être avec nous là, jusqu'à 23h, on est là. On bouge pas, en tout cas ça a bien fait marrer Jojo là, putain, il pleure de rire le malheureux. Avec tous les messages et tout, j'étais. Mais en même temps, là dans le casque alors. C'est puissance 10 dans le casque. C'est du virtuel là, c'est réalité virtuelle là. La prochaine fois, je demanderai qu'il nous fasse écouter ces bruits de doigts dans le cul. Ouais. Ce sera plus appétissant. Y'a pas vraiment de bruit. Oh. Un mec qui soit dans le cul, ça fait pas un bruit. Tu sais, tu fais rentrer l'air. S'il fait un P. Ouais, voilà. S'il fait un P, tu fais. Le petit chien en même temps. Et tu peux lui demander. Le petit chien en même temps, qu'il appelle sa mère. Et au moment qu'il a fini, tu lui demandes qu'il te fasse écouter, ça fera. Ouais. Excuse-moi, je peux mettre ta mère, s'il te plaît. Gay Ball qui parle loin, tu imagines la mode ta mère et tout. Tu peux mélanger avec de l'eau. Bon, dédicace à Kevin Herdé là qui veut qu'on fasse une dédicace. Ah, il nous fait up. Chier lui. Kevin qu'on retrouve. Qui était juste avant Before évidemment. 21h. Bah, attends, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il t'envoie le message aussi. Parce qu'il m'a dit il faut lui faire ma pub pour mon émission. Ça va. Oui, bah oui, bah. 20h, 21h, bon. Before Dance Floor du lundi au jeudi là. Moi je l'ai pas reçu, je l'ai fait directement. Oh, ok, bon, pas de problème. Ouais. Il est là le pervers. On va dire évidemment jusqu'à 23h, on se fera un bon son là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on se fera comme Binta, son, tiens, non, hein Binta. On sera Lonzo, tiens, ouais, Binta qui arrive dans moins de 3 minutes. Restez avec nous là jusqu'à 23h. On est là, c'était énorme ce soir. Restez avec nous là, jusqu'à 23h, lâche rien. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez ? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h, gratuit avant 1h. Parking sécurisé, c'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci, je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressés que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand ? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous... Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. c'est du rêve, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Bonne soirée, le son de Alonso à l'instant avec Binta, bienvenue tout le monde. Jusqu'à 23h, en direct évidemment jusqu'à 23h, bonne soirée. On est là ensemble, on bouge pas en tout cas, merci de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. On est là ensemble avec, bah y a Al ce soir qui est toujours avec nous en direct. Yes. Il y a Quentin qui est avec nous également, là, ouais. Il y a Jojo qui est avec nous ce soir en direct évidemment. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Énorme ce canular Quentin. Excellent même. Juste énorme. Attends, ça va revenir lundi. Hein. Il a flingué son truc de micro. T'arrives pas à trouver le trou? Ah, c'est bon. Non, il y a la vis du pied de micro, c'était barré, excusez-moi. Mais ouais, il est énorme. Ça revient dès lundi en tout cas, les pervers. On se rappelle Eric le pervers dès lundi. Voilà. Avant d'attaquer la rubrique de Quentin, Info Atox, ça va être le top ou flop du jour et pas non plus l'info Atox. Il faut pas confondre hein, Jojo parce que le top ou flop existe vraiment. Top ou flop, Bertrand Chermeroy débarque dans une nouvelle émission sur W9 qui s'appelle OVNI, l'info retournée. Ça débarque dès lundi, je crois. Ouais. Est-ce que ça va être pour vous top ou flop? Top. Top pour toi, Jojo, pourquoi? On a vu quelques images, top. Ouais, c'est vrai, je pense que ça va être bien. C'est vrai, toi tu vas regarder? Je pense. C'est à quelle heure? Parce que c'est aux mêmes heures que. C'est avant, je sais plus quelle heure c'est. C'est avant. C'est au soir, je crois, non? Je sais plus à quelle heure c'est. Ah, je sais plus, il faut que je regarde l'heure. Mais on a vu quelques images, ça a l'air d'être sympa. T'aimes bien Bertrand Chamorrois? Ouais. Il s'est fait viral, lui, touche pas mon poche, je pense. Non, non, il s'est pas fait viral. Non, il est parti lui-même parce qu'il y avait trop de blabla sur son dos et il supportait pas. Il n'arrivait pas à suivre la cadence de l'équipe. C'est pas la cadence, c'est qu'à mon avis, il a dû déconner derrière celui de Renault et puis voilà, c'est bon, je pense que c'est moins grave. Non, parce qu'il est encore sur C8. Non, il est encore sur C8. Bah non, il a pris sur W9. Non, mais il l'a expliqué, il est tombé en déprime parce qu'il a pris trop de notoriété d'un coup et il n'arrivait pas à gérer. Il va pas dire que c'est Renault, il va le virer. Et il va pas dire ça. Il est déjà revenu à touche pas mon poste, oui, hein, mec, si tu suis. Ouais, non, mais je suis mon avis après. Je pense que ça va être bien. Après, je m'en branle. Je crois que c'est avant. C'est en même temps que Charmeroy, je crois. Je pense. Bah non, c'est lui, Charmeroy. Mais. Avec Camille Combal. Je sais plus moi les noms. Top ou flop pour toi, Quentin, à ton avis? Moi, je dis top, ouais. Ouais, tu crois que ça a marché? Tu aimes bien aussi? Ouais, j'aime bien Bertrand Charmeroy. Et puis son numéro aussi qu'il y avait dans touche pas mon poste, c'était vraiment le kiff, quoi. Ouais. Donc là, je pense que sur W9, ouais, ça va faire carton. Et vous regarderez franchement ou... Je regarderai, ouais. Si vous avez l'occasion, je vais tenter de regarder quand même, ouais. Bon, après, si j'aime pas, tant pis. Hein. Bon, on dirait des nouvelles dès lundi, ouais. Mais il y a beaucoup d'émissions solo qui se lancent entre Yann Barthez, entre lui, entre Avant Touche Pas Mon Poste et tout. Ça, c'est l'année des solos, là, cette année. C'est l'année des directs. Voilà. Ouais, surtout aussi. Les directs, ouais, parce que... Non, mais là, on s'enregistrait, je crois. Non, mais là, ils en font beaucoup de directs. Hein ouais, bah déjà, sur C8, ils font 3 directs d'affilée. Ouais. Ah, j'ai vu en tout cas Bertrand Chameroy pour cette nouvelle émission là, OVNI. Il a le teaser de rentrée en fait avec comment ça s'appelle celui qui a son canapé rouge là, le dimanche là, Michel Drucker. Michel Drucker, ouais. Il est dedans dans sa bande annonce, donc en espérant que ça va bien se passer. Toi, à ton avis, le top ou flop? Top pour l'émission et flop pour sa carrière parce qu'il va se faire niquer. Il a quitté l'équipe d'Anouna, donc c'est mort quoi maintenant. Ouais. Ouais, bah, peut-être pense. Pas. Il hein. Bon, y a de grandes chances. Il était sur C8, mec. Il, avait, bah, il était en train de décoller avec Cyril Hanouna. Après, ouais, est-ce qu'il va se refaire une nouvelle carrière sur W9? Après, qui dit il a du mal à suivre la cadence. Bon, excuse-moi. Bon, enfin, la cadence, parce que c'est lui qui le prend. C'est bon, c'était pas non plus. Ils animent pas 18 heures d'émission par jour. Alors, peut-être non, mais c'est beaucoup les défis, tout ça. Qui, Ah ouais, mais après, ça, gros, il a signé. Non, mais c'est même pas voilà. Ça. Mais après, tu sais après, pas tu l'impact penses... médiatique qu'il a derrière, mec. Hein. Ouais, alors, peut-être qu'il se sentait déjà bien lancé avec, bien avec Hanouna. Et puis, il a décidé de se lancer tout ça. Au niveau de l'histoire, en fait, il s'est bien fait défoncer à cause de. Je sais plus, c'était une connerie à la base dans l'émission de Cyril Hanouna, en fait. Et les médias s'en ont servi contre lui en fait et ils l'ont bousillé et ça l'a fait péter un câble parce qu'il a dit que c'était un milieu de pute bah comme tout le monde le sait en fait et c'est à cause de ça qu'il est parti en fait. Mais Cyril Hanouna à la base il voulait le garder avec lui et pour ça qu'il lui avait donné un peu de congé à la limite ouais. Pour qu'il se reprenne. Mais il a quitté totalement la télé. Ça, moi, pour moi, tout ça c'était monté. Les congés, tout ça c'était pas vrai. Cyril Hanouna il contrôle tout et à mon avis, il a dû avoir une embrouille, on l'a pas su. Et on le saura pas le mot de l'histoire, je pense. Ouais, il se passait beaucoup de trucs. Parce que Cyril Hanouna, faut pas le croire, moi je l'aime bien, je l'apprécie beaucoup, mais il me fait beaucoup rigoler. Mais crois-moi, c'était un putain de businessman. Et à mon avis, les co-animateurs, à mon avis, doivent pas rigoler avec lui dans les coulisses en tout cas. Parce qu'il y a un business derrière, il y a du monde qui regarde. Et à mon avis, il doit avoir des résultats. Il faut qu'il y ait du résultat et que, à mon avis, ça va vite derrière. Donc toi top pour l'émission en tout cas. Ouais top pour l'émission. Après pour sa carrière j'espère pour lui que ça va continuer. Mais j'y crois pas. D'accord ok. Benjamin Castaldi va animer un nouveau jeu sur C8. Je le dis hein, c'est l'année top ou flop à votre avis. Merde. Flop. C'est quoi comme jeu comme, c'est, ouais, c'est je jeu. Sais pas j'ai pas eu le temps de regarder un petit peu me renseigner. C'est, ça va démarrer bientôt là prochainement. Ainsi que normalement Koé qui va démarrer aussi dans la foulée sur C8 une nouvelle émission. Mais ouais, c'est pas encore fait. Bah Koé va reprendre une ancienne émission à lui. Ouais hein. Mais ce sera pas maintenant. C'est après janvier ouais. C'est après ouais. Les fêtes. Mais bah, en fait Koé qui arrive sur Touche pour mon poste. Et après derrière c'est dessiné ouais. Comme ça apparemment. Mais Benjamin Castaldi déjà pour la peine. Non toi flop. Ouais flop. C'est vrai que Benjamin Cassidy, à part moi, je l'ai connu que dans Secret Story. Moi, après, ouais, pas connu ailleurs. Il a fait que ça, lui. Bah ouais. Non, il a fait d'autres jeux. Il a fait un jeu aussi sur MG12 là. Beaucoup de flop. Ouais, c'était. Ouais, mais bah, c'est pareil. Moi, j'aimais bien là. Le jeu. Hein. Ouais, dans les cases, là, je sais pas quoi. Ouais. C'était un vieux jeu. Ah oui. Ouais, mais ça a fait. C'était pour. Mais bah ouais, mais sur MG12, c'était peut-être pas la cible. Après, C8, faire des jeux à C8, les jeux de cet été là avec les deux justement de Touche pas mon poste. Ah bah le jeu de la trappe il était bien. J'accrochais pas, moi j'ai pas accroché. Le jeu de la trappe il était bien. Ouais bah bien, il y avait beaucoup le jeu de la trappe, ouais, c'était pas mal l'idée. Après C8 ils lancent beaucoup de trucs, trucs de ouf, cette année ils ont cette année ils veulent tous les animateurs chez eux, trucs de ouf, ils ont ça c'est vraiment bah, ils ont C8 beaucoup plus de budget, il y a Canal derrière donc ils ont beaucoup plus de budget et en même temps ils des récupèrent nouveaux plateaux, des nouveaux locaux, ils récupèrent des bons animateurs d'Energy 12 qui ont Energy 12 indiqué. Il y a Castaldi, Koé, ils étaient à Energy 12, ils ont dégagé, c'est vite récupéré. Hein. Ouais. Delormeau aussi. Ouais, Delormeau. Oh, bah, Delormeau, ils auraient pu le laisser à Energy 12 en même temps. C'est clair. Ouais, sans être méchant. C'est clair, il aurait fait mieux. D'ailleurs, il va faire un nouveau truc là. Delormeau. C'est est-ce que vous. Attends, laissez-moi rigoler, vas-y, ouais. Qu'est-ce qu'il en pense Ouais, mais on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure quand t'as. Tu te fous de ma gueule, Quentin. J'allais dire, il se fout de gueule parce qu'on a parlé tout à l'heure. Tu te fous de ma gueule, là. Quentin, fais gaffe, ça commence comme ça, les amis. C'était mon coup de gueule. Ah oui, on a parlé en début d'émission. Quentin, il voulait nous apprendre quelque chose. J'ai complètement. Donc, à votre avis, top ou flop, toi, pour toi, Jojo. Bon, bouger, t'as fait. Flop, Al, flop. Ouais, flop. Ok, et Quentin flop aussi, ouais. Flop okay, également. Et attention, dernière top ou flop, Brise de Nice, Brise de Nice 3, qui sort au cinéma bientôt, là, dans les semaines à venir. Là. Top ou flop à votre avis. Ah, c'est pas le 3, hein, c'est le deuxième film, mais il appelle ça le 3 parce que le 2 il l'a cassé. Bon, c'est le principe du truc. C'est... Mais bon, Brise de Nice 3, en tout cas, top ou flop non, flop, nul à chier. C'est vrai parce que j'ai vu les bandes annonces, ça m'a fait la bande annonce, ça a l'air mais la bande annonce, ça fait toujours rire. Après, non, moi, la seule bande annonce qui m'a pas fait rire, c'est les Visiteurs 3, là. Et moi j'ai regardé, je l'ai loué il y a pas longtemps, moi ça m'a. C'est la première fois que je m'endormais devant les Visiteurs, j'ai jamais vu un truc aussi pourri de ma vie. J'ai même pas vu les Visiteurs. C'est pas qu'il est pourri, mais par les Visiteurs, tu l'as vu deux. Ouais, je l'ai vu. Ah non, mais il est pourri, il y a plein de choses. Mais non, c'est pas ça, c'est même pas qu'il y a de blague, il y a même pas de blague, c'est que ça prend la tête parce qu'en fait il parle beaucoup. Voilà. C'est, il y a des histoires, c'est beaucoup il faut plus historique, mais ils ont fait tellement un foin autour où t'avais des gros artistes, c'est vrai qu'il y a pas mal de grosses têtes dedans. Mais c'est lâché. Mais par rapport au 1 ou 2, ouais, c'est ça. Les ils ont une note de 1 sur 5, un truc de ouf. Ils se sont fait lâcher comme des merdes, c'était carrément le. C'est pour ça, moi, je. à part des bons films où tu sais que tu vas te fendre la gueule ou que ça va être des bons films d'action ou n'importe quoi au ciné. Sinon, après, je la regarde en streaming, t'es moins déçu. Après, les films, ça a toujours été. Le premier a toujours été meilleur que le deuxième. Ça, après, le deuxième, ah oui, généralement. Ah, mais là, en même temps, Les Visiteurs, c'était combien de temps après 17 ans après, je crois, ouais. C'est pas ça. Ouais, puis les gros chutes, tout. Donc, voilà, c'est plus. Puis, tu vois, les seuls délires qu'ils ont repris dans Les Visiteurs, c'était le truc jour et nuit. Enfin, tous les trucs. Bah, c'est ça, c'est du réchauffement. Y a pas, tu... Bah, ouais, c'est ça, tu vois, c'est pas marrant. Donc est-ce que ça va être pareil pour Price Race? Il fait casser tous les 5 minutes. Non. Ouais, après j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir. Si, moi j'ai pas ouais, je vais le voir, mais je vais pas aller le voir au ciné. C'est, je vais attendre qu'il sorte en streaming n'importe quoi. Et ça pour voir au ciné, je ouais. vais pas les payer mes couilles. Au ciné, ce qui est bien, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est quand il y a des films en 3D, quoi. Ouais. Chose que tu peux pas faire ouais, chez ou toi. Les nouveaux, les nouveautés, tu vois, genre les Star Wars, les trucs comme ça. Mais bah, tu vois, je suis plus attiré pour aller regarder une nouveauté qui est SOS Fantôme, là. Ouais, le dernier ouais, est sorti. Ouais, parce que c'est des filles, ça c'est. Ouais, mais c'est pareil, ça peut. Moi, je vais peut-être. Je vais sûrement aller le voir parce que, bah voilà, je connais le film de base. Bah, les deux, je crois qu'il y en a eu deux, je crois, c'est ouais. ça. Et mais c'est Génération 80, tu vois, donc j'espère pas rester bloqué sur la Génération puis 80. Puis c'est surtout américain. Non, non, ils ont fait. Apparemment, ça a l'air d'être bien. Et après, voir, voilà, si en plus là t'as plus d'effets spéciaux, c'est mieux travaillé. Donc. Puis c'est surtout américain. Ça devrait être cool. Américain, déjà, les films sont déjà 5 fois meilleurs que les Français, quoi, mais. Donc attends, Bryce Dallas 3, ton avis toi, quand t'as top ou flop? Moi je dis flop. Pourquoi? T'as déjà vu le premier ou pas? Le premier ouais. C'était drôle ouais. Mais entre marrant, deux, le genre du jardin qu'on a connu dans Bryce Dallas, le premier, il a fait d'autres films un petit peu plus d'action. Ouais, ça m'a même étonné qu'il annonce qu'il fasse ce film là parce qu'il a quand même monté en grade de niveau carrière, voilà. Il a eu quand même des palmes d'or machin etc. Et ça m'a étonné qu'il mais revienne ça à fait son combien de temps mec qu'il a pas sorti de film là? Ouais bah encore à la rigueur il l'aurait fait l'année d'après le 2, enfin le 3. Ouais, attends. Mais ça m'a étonné qu'il veut parce qu'il commence à partir des films de sérieux lui d'action. Bah ouais, voilà, il fait des films d'action et là il revient. Et là il revient avec un Bryce Dallas quoi. Ah ouais, bon après parce que ça lui a apporté peut-être que le film il a été fait il y a perpète et voilà, bah rapport à son calendrier, il aurait pu le faire. C'était la dernière qu'il a tourné le film. Ah oui, bon, ouais. J'ai suivi. Mais Bryce Dallas le premier, il a été tourné il y a plus de 10 ans déjà. Ouais, ça fait un moment ouais. Je me rappelle, je me rappelle à l'époque, c'était la... ils vendaient que des t-shirts jaunes, ça farte et tout. Mais en plus, c'était la mode. Ah bah là, ça va ressortir, hein. Ouais, je pense. Ouais. Bah, je pense que s'ils en revendent, je vais m'en acheter un. Par contre, j'aime bien le style. Ouais. Ah, mais tu me dis bien, comme ça, je vais en faire 2-3, je vais essayer d'en vendre ça comme ça dès maintenant. Tu sais, je vais installer les boutiques. On va vendre ça dans la boutique Radio Mixfloor à côté de la buffette. On sera dans un stade de foot. Voilà, exactement. Ah, toi, t'as bouffé un pas? Non, ouais, je vais. Je vais aller le voir parce que ça va m'intéresser, mais après. Tu iras le voir au cinéma? Non. Non, au cinéma, c'est mort, je vais pas aller le voir. En streaming, il a dit. Ouais, je vais le télécharger. Peut-être juste par curiosité, j'irai peut-être aussi. Ouais, c'est ça, enfin, juste pour voir. Par contre, si j'entends de la merde dessus, bon, j'irai pas le voir du tout. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon ok bah merci en tout cas pour ce top ou flop info à toi que ça démarre dans quelques minutes. Reste avec nous en tout cas. On est là jusqu'à 23h, on est là, on bouge pas en tout cas, Pitbull pour la suite. On s'appellera aussi un petit canular tout à l'heure. Vu la journée internationale à la paix, on demande on va s'excuser qu'on a trompé sa femme, voilà. Qu'on s'est servi de sa femme pour la baiser, bah, on va s'excuser, voilà. Ça arrive juste après la dernière bombe de Pitbull, ça s'appelle Green Light. On en direct jusqu'à 23h. Bonne soirée et merci d'être avec nous. Give me the green light. Cause I'm ready to go, let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. What I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh yeah. Cause I'm ready to go, let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. This mean? Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light. Allez, bonne soirée, le son de Pitbull à l'instant avec Green Light en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, on bouge pas, bienvenue. Jusqu'à 23h. Et on est là ensemble. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Non, c'est pas Boucan, c'est ma beauté, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Allez, bonne soirée, en tout cas on est là jusqu'à 23h, on bouge pas, en tout cas bon courage à tous ceux qui partent travailler, on pense très fort à vous évidemment. Dédicace bah, à mon petit papa qui nous écoute au boulot, bah voilà, bah et papa t'as du travail, bah tu m'écoutes, bah c'est bien. Bienvenue ceux qui a pas de boulot. Bah en tout cas bon courage à tous ceux qui partent travailler parce qu'il me dit que là il y a l'équipe de son usine qui est en train d'écouter. Bon bah dédicace. Ah, bah, big up, hein. Dédicace à toute l'usine. Ah bah voilà, on nous écoute. J'ai envie de cacher là, il me faut de les faire le gant s'il vous plaît. Voilà, vos dédicaces et puis pourquoi tu dis ça? Bah, hein, il a une pourquoi crise. Tu dis ça? Bah, ton père il fait pas tout ce qui est médicaments, non? N'importe quoi, il est conducteur de limousine pour les présidents de la République. Bah ouais. Ah d'accord, ouais, c'est ça. Non, il fait un peu d'usine, non, il fait pas les cachets, non. Non, non, il fait de la drogue. Ouais, bah il me faudrait un c'est kilo qui, de... C'est ouais, eux qui fabriquent le Viagra. C'est quasiment ça, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Non, mais non. Arrête, hashtag là, dis, ça, hashtag ouais, le papa d'Alexis qui fait du foie. D'ailleurs, la honte. Hashtag j'ai envie de bander. J'ai envie de bander. Bon voilà, un petit point foot, 22h34, ouais. Là, les matchs se finissent petit à petit, là, qu'est-ce que ça donne là pour Rennes-Marseille là? Bah, ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille, ah. Un but de c'est, donc c'est Rennes qui a ouvert le score avec un but de Sio. Ensuite c'est Gomis 3 minutes après qui est venu égaliser pour l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite bah, on a eu un dernier but, le doublé de Gomis. Okay, bah, en même temps, donc, ils ont pas de mal Marseille. Hein. Marseille gagne 2-1, c'est ça? Voilà. Il reste combien de minutes là? C'est la 76ème minute. Ouais, un petit quart d'heure. Ouais. Et 2-1 pour l'OM. Ok, ok, d'accord, ok, ça marche. Bon, ben, message passant en tout cas. Et puis tout de suite, c'est Info Intox avec notre ami ouais, Quentin. C'est parti. Est-ce Info ou Intox? Eh bien, t'as eu la question. Allez, c'est parti, Info Intox avec Quentin. Donc, l'Italie, comme le monde entier, essaye de lutter contre le terrorisme. Non. Bien sûr que si. Ah bon? Et elle arrive à lutter contre. J'ai rien compris. De quoi? Attends, attends. Ouais, tu me rappelles de la question? J'ai valide le Monaco. J'ai un bug royal. Ouais, t'as sauté le mille. Donc, Bah, pourtant, elle l'a répété depuis une heure. Bah, c'est ouais. Ça, j'arrive, il l'a répété. Alors, imaginez. Tu nous as fait chier. Donc, avec. Attends, je vais tourner ma question d'une tu autre vas façon. La mayonnaise. Vas-y, fais voilà. Un reset. L'Italie arrive-t-elle à lutter contre le terrorisme? Info ou intox? Non, non, attends, tu nous poses une question et tu nous demandes si c'est un bah problème. Ouais. Non, attends, non, non, c'est le bordel dans ta tête, ça va plus. Attends, l'Italie est contre le terrorisme et elle arrive à lutter contre. Info ou intox? Info. Hein? Mais attends, mais ça veut rien dire ton truc là. Ouais, ça va rien dire. Mais bon. L'Italie, elle est. Ben non. Machin, est-ce que, est-ce que l'Italie mais... fait. Attends, c'est quoi? L'Italie. En gros, il nous pose une question, il nous dit info ou intox. Ouais. Hein, quoi? En gros, il nous dit l'Italie contre le terrorisme. Ouais, mais. C'est quoi? Elle arrive à lutter contre. Info est-ce ou intox? Est-ce que, ouais, est-ce que l'Italie est-ce arrive l'Italie... à lutter contre le terrorisme? Est-ce que info, info. Ou c'est intox? Bon, moi, j'ai info. Est-ce qu'elle arrive à lutter oh, contre ta gueule, le terrorisme? Dis info ou intox, casse pas les couilles. Bah non, non, c'est intox, c'est blindé de mafia là-bas, t'es fou quoi. Ah bon. Justement. Bah ouais, bah, les migrants ils en ont besoin, ils travaillent avec pour la mafia. Info. Intox. Et donc c'est info. Ah. Ah bon, bon. Alors, attends, tu vas lire la. Enfin, je vais vous dire la truc là. Ah, c'est sens, compliqué ce soir. Je le sens mal sur moi. Je crois que Quentin il est encore sous l'effet du pervers. Hein. J'en ai plein le cul. Donc là, voilà. Donc l'Italie offre des cartes culture de 500 euros aux jeunes âgés de 18 ans pour aller aux bibliothèques du coin, la musique, aller au cinéma, assister à des pièces de théâtre ou encore aller au musée. Tout ça pour lutter contre le terrorisme. D'accord. Pour pas que les jeunes ils s'inscrivent dans les trucs de djihadistes. Et nous on leur donne du RSA. Pour lutter contre le terrorisme. Non, pour partir en Syrie. Non, ça sert à partir en Syrie, c'est pas pareil. Pour pour ne pas leur faire penser à s'inscrire dans un truc djihadiste. Ah bon. Ouais, mais tu crois que les djihadistes ils sont pas cons, ils vont aller dans les bibliothèques maintenant recruter. C'est pareil. Mais il y a des livres, hein, c'est dans les bibliothèques. C'est pas moi, c'est l'Italie qui le fait. Ah bon. Oh, bon enfin bref. On n'a pas tout compris non plus. Hein. Donc c'était info. Ensuite, la GoPro n'existe que sous forme simple, c'est-à-dire accrocher un casque ou à une perche. Info ou intox ? Intox, évidemment. Ah bah ouais. Donc elle existe sous forme de drone, c'est tout nouveau et ça vient de sortir. Ah maintenant ça existe en petite. Ah ils vendent la marque GoPro vend avec des drones. Des drones ouais, c'est carrément le drone entier avec la GoPro dessus. Tu dois payer quoi. La blinde parce que GoPro c'est cher, cher hein. Les GoPro. Ouais. Là c'est une bonne info, ils ont ressorti aussi les mini pilules maintenant. GoPro. Bah non, en fait tu l'avales et ça reste 24 heures dans ton corps et tu filmes l'intérieur de ton corps. Non, ça s'appelle c'est un truc ça médical. Non ça non c'est non mais fibroscopie. Non non mais GoPro a sorti ça en fait et quand tu vas faire caca tu récupères. La petite pilule avec dans ta mère. Moi j'ai envie de voir la dernière partie quand ça passe par le trou du cul. Putain ouais. Avec une carte. T'as dans la merde. Bah ouais, tu dois chercher la pilule dans ta merde et tout. Avec une carte SD et tu mets ça dans ton PC. Ouais, mais tu dois chercher ta pilule dans la merde et tout. Bah ça sert à quoi? Juste pour le délire. Avance la vidéo, vas-y. Je sais pas, faire un film sur l'intérieur de toi-même. Putain. Et je vais sortir un film comme ça sur moi. C'est pour mieux de comprendre en profondeur. 24 heures dans le corps de jeu. En profondeur, va chercher la pilule dans ta merde et tout. Et tu t'imagines, tu la chies pas la pilule? Ah bah là t'es je vois bien les gars à la fin. Bah, t'as perdu 240 €. Vas-y avance la vidéo, mets-le à la fin alors quand... et après c'est réutilisable en fait. Ah. C'est réutilisable. Bah en après fait. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu vas chercher dans ta merde, si tu veux la ramener après tu te démerdes hein, mais bon. Non mais je pourrais te la filer ou quoi. Non merci. Mais la fin quand ça filme la merde, moi j'ai envie de voir la merde. Parce que je suis m'appelé. Non mais arrêtez de vous embrouiller, c'est une intox, ça existe pas. Moi je regarde. Ah ça existe pas. Mais ça ah bah là tu nous as fait parler pour rien. Je crois que c'était vrai bon. Fuck, ce qu'il est con. Non mais GoPro ça coûte cher. Vous êtes jamais tombé moi là, une fois j'ai voulu acheter là, je me suis fait niquer avec ça. J'ai acheté 50 € une sorte de GoPro. Mais tu sais, c'est les sous-marques là. Ouais. Sans marque. Oh la grosse merde. Oh c'est de la merde. Ah, achetez pas les trucs à 40 € à Jiffy, tout ça là, qui font comme semblant de bah GoPro. Oui. Là. Ah, mais ça faut juste regarder la résolution. Ça filme comme les pockets là, comme les gamins là, qu'ils ont les jeux là. Ça filme comme de la merde. Ouais, bah. Ah, achetez de la marque hein, parce que là, pour le coup. Achetez de la marque. Quoi qu'avec Dro Dépôt, ils font des bons trucs là. Bref. Ah, lui, il donne carrément Electro Dépôt. Bah, Auchan, Leclerc, Carrefour. Ah, le Roi Merlin aussi. Le Roi Merlin. La dernière fois, j'ai acheté une pioche là-bas. Putain, trop bien. Quoi? Une pioche. N'importe quoi. Moi, j'ai acheté une pelle moi. On en a rien à foutre de votre vie. Hein. Donc, troisième info intox. En ce moment, c'est moins 50% sur les graviers aussi. Allez faire vos courses. Alors, troisième info intox, il existe des distributeurs de livres. Oui, info. Info ou intox? Ouais, info. Si, peut-être ouais, dans les universités et tout ça. Info, en France, ouais, en France ou pas? Il y a bien des distributeurs de pizza dans les stations essence. Des distributeurs de patates, des distributeurs de patates. J'ai des livres. Ouais. J'ai des livres ouais. Dans les écoles. Ouais. Je crois même qu'ils vont en mettre un bientôt, pas loin de chez nous, dans la commune de Marc. Un distributeur de livres. Ah, dans la jungle. Un distributeur. Un distributeur de livres. Comment s'évader de Calais? Nouveau livre. Et donc c'est info évidemment. Ouais. Ah bah ouais, ça, ouais. Vous l'avez tous deviné. Moi je devrais avoir le info d'or. Hein. Okay. Ouais. Ah, tu préfères avoir le God d'or. Non, je suis loin du compte de la voix. Non, quand t'arrives à bien répondre aux questions de Quentin, c'est le bac que tu dois avoir. C'est pas... Donc j'ai le bac d'or quoi. Chose que t'es loin d'avoir. Ouais, oh le salaud. T'as eu ton bac? Bah oui, j'ai eu mon bac littéraire. Connard. T'as eu le bac littéraire, à sable en plus. Je fais de la littérature, tu sais, la philosophie. T'as fait un bac S? Non. Oui, à Sophie. Ah. Qu'est-ce que j'ai baisé? Sophie Berthelot, c'est un calé. Qu'est-ce que t'as quoi? Qu'est-ce qu'il a baisé? Qu'est-ce que t'as baisé là-bas? Ah, quand t'étais au lycée? Dans les toilettes. Je me crois entre potes en train de parler de cette meuf. C'est le but de cette émission. Ah, c'est ça, hein, c'est de la Durantaine. Hein. Voilà. Merci Quentin pour cette petite. C'est nos limites. Donc j'ai baisé à Sophie. Ah ouais? Voilà. Vous en avez chiottes? Non. T'as pas baisé dans le. Non, t'avais. Bah, il nous a dit qu'il avait baisé sur le trampoline à couper. Dans les salles info pendant que les profs ils étaient pas là. Putain, c'est vrai, j'aurais dû le sortir aussi. Non, non, mais non, dans la salle. Non, non, t'avais les chambres là-haut aussi. T'avais l'internat. Ouais, mais c'était l'internat. Bah ouais. Ouais, ça nous arrivait d'y aller. Ouais, moi aussi, je suis allé. Mais sinon, on baisait souvent dans la salle de sport. Ah, c'est vrai? En face. Ah, bah, Manil a fait la salle de sport aussi. À Edgar Killy, non? Oui. Ah, bande de salauds. Ah, je connais. Ah, je connais. Bon, voilà, donc voilà, donc ça. Attends, bah, quand même les putain, ah galère. Ouais, bah, et en français. Je galère. La petite explication, donc voilà, donc les distributeurs de livres existent, info. Donc c'est à Singapour, qui est l'une des villes les plus propres au monde. Alors, on lui demande en France, hein, mais là c'est à Singapour. Hein. Ah, c'est vrai, voilà, Singapour, donc c'est à Singapour. Et la France avait déjà tenté de faire la même chose avec des ça boîtes. Ça n'a pas marché. Voilà, tu m'étonnes. Ça n'a pas marché. Ils ont en France, c'est vos distributeurs de capotes. Hein, ils sont en branle. Les gens, ils pensent à faire des gosses ici. Là. Qu'est-ce qu'ils sont en branle de lire des livres? Ici, livre que voici. Des allocs. Le pire, c'est que c'est ça. Ta gueule, t'as calé. Ta gueule, t'as calé. C'est la capitale ici. Alors. Au moment où il demande des livres, c'est quand il touche le caisse biroute là, quand il rentrait des classes. Ah, on va acheter des livres. D'accord, ils sont fournis gratuits par l'école. Non, même pas, on va aller acheter des livres aux gamins. Ils en sortent tous avec des écrans plats et des paquets de bière. C'est la rentrée scolaire, les 200 euros, là, machin, je sais pas quoi qu'ils donnent, les rentrées scolaires là, et qu'ils vont acheter. Et moi, je vois quand on était faire des courses là, c'était fini le jour où ils ont touché l'échec. Bah, j'ai vu, ils prennent des télés. C'était des promotions dans les magasins. Regardez c'est bien. Ça, mais c'est ça. Des télés, des PC et tout. Je trouve ça. Et chose que j'ai toujours vu sur Facebook et n'a jamais fonctionné, pourquoi ils font pas ça sous forme de chèque comme nous on recevait quand on était au collège. Ils en parlaient pas. Quand on au collège, on recevait 60 euros de chèque par la région pour acheter des. Des vêtements bah, des, ouais, non, c'est pas des vêtements, non, c'est des livres. Moi, je dis que c'est l'école qui devrait. Pour les livres. Ah, c'est chaque loisir. Ah, chaque loisir, ouais, c'est ça. Ouais. Et mais après, et juste derrière, t'avais le nom de toutes les enseignes avec lesquelles tu pouvais. Voilà. Ouais, ouais bah, et puis les trois quarts des enseignes, tu y allais. Oh, non, non, ça marche pas. C'est ça. Voilà, en tout cas, bonne soirée. Ben, merci en tout cas pour ton info, Tox Quentin. Je t'en prie. On est en direct évidemment jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous, ça fait grave plaisir. On est là, on bouge pas dans quelques instants. On va s'appeler un petit canular là, juste avant. Parakeet, save me. About to land, after years of joy. Life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me.

Allez, bonne soirée, le son de Fédé à l'instant. J'adore ce son, hein. Lordi à l'instant, en direct évidemment jusqu'à 23h. On est là, bougez pas en tout cas. Ça fait grave plaisir, on est là. Qu'est-ce qu'on se fera dans quelques instants? Tiens, j'ai envie de me faire ce son là. Pour vous réveiller, moi je mets ça avant de se coucher, moi. Ça motive. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu, voilà. Merci en tout cas de passer la soirée avec nous. On est là, toute l'équipe, il y a Jojo qui est avec nous ce soir. J'ai pas envie de dire oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. Oh, en fait, j'éteins la lumière et ça le perturbe. Et je trouve, j'ai... ah oui, ça donne bien. Quentin, est-ce que t'aimes bien cette ambiance? Moi, j'aime bien, ouais. Ouais, c'est cosy. Que... Al, t'aimes bien quand c'est. Ouais, vous en foutez, vous avez des écrans. Avec l'ordinateur, ça me pâte les yeux. Mais là, bon, on fait ça pour faire des économies d'énergie. Sauf qu'il y a la lumière du couloir là. Ah, mais ça sent c'est pas nous qui payons. Mais. Pas sûr. Non, mais j'aime bien dans le noir comme ça. On éteint la lumière, ça fait un peu. C'est cosy. C'est cosy. C'est un peu cosy, là. Bon, attends, on va essayer de s'appeler. Alors, vu que c'est la journée internationale de la. Et les autres, tu leur demandes pas si ça va? Bah je vous t'ai dit si ça allait. Bah tu m'as dit non. Et aux autres? Bah j'ai demandé à Quentin. Ah ouais, moi ça va, ouais. Ouais. Bah, j'ai quand même. Si ça va pas, j'en ai un foutre. Mais je peux mettre ça. Mais ok, bon, journal international de la paix. Allez, va, appelez, on va essayer d'appeler. Alors j'espère qu'on va réussir parce que là il y a un peu. Bah là il est super tard, voilà, je m'en prends avant. Rien, ça va bien te mettre de mauvaise humeur déjà. On va appeler Claude. Ah c'est Claude, c'est ça. Et c'est quoi le nom de sa femme? Je sais pas, non, je sais pas. Ah bah non, mais, non, mais genre j'ai baisé ta femme et je connais pas son prénom quoi. Bah alors, c'est pas grave. Bah non, tu lui dis des petits noms. Mais c'est juste un petit comme ça, c'est juste pour amuser les Indiens, toi. C'est juste pour. Les Indiens. Ah, mais si j'ai pas d'infos, ça va être compliqué. Bah de quoi? Claude, c'est ça, Isabelle? Bah ouais, Claude. Allo Claude, bah tu dis juste que la journée internationale de la paix, je voulais m'excuser. Qu'on fait la paix, voilà, que t'as baisé sa femme, voilà, t'as baisé sa femme. Je suis désolé de l'appeler tardivement. Tu t'excuses de l'appeler tardivement. Allô? Oui? Oui, allô, Claude? Non, c'est Agnès. Ah, excusez-moi, je peux parler à Claude, s'il vous plaît? Il n'est pas là pour l'instant. Ah, bah écoutez, vous pouvez lui faire, lui passer un message pour moi, s'il vous plaît? Ben oui, bien sûr, vous êtes... Je m'appelle Romain, en fait, et bah, si vous voulez, c'est un petit peu la journée mondiale de la paix aujourd'hui. Mais voilà, je voulais m'excuser parce que j'ai baisé avec sa mère, donc je voulais lui demander pardon. C'est très drôle, pauvre con. Ah non, mais c'est... Non. Hey, j'adorais, pauvre con. Pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. La sœur est belle, ouais, faut c'est la mif. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, pile pas par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde. Ah, pas mal le pauvre con là, moi j'ai bien aimé là. Pauvre con. J'allais pas dire je baisais ta femme, je pense que c'était sa femme au téléphone. On appelle JB là, on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est JB. Ah, moi c'est JB là. C'est JB là. Bah c'est con parce que t'es tombé sur sa femme, je pense. Hein. Ah ouais. Parce que t'étais tombé sur sa femme là. Après il y a Léon. Je suis sûr qu'il était là mais qu'il voulait pas répondre. À ce temps là. Oh, mais tu travailles cet homme. Tant que je baisse sa femme. J'étais en train de me branler. Ah, ça peut répondre. Trop tard. On va appeler Léon. Il y a des gens qui bossent demain. Je m'appelle Léon, j'ai un gros camion et je porte un lion. Attends, on va appeler Léon. Je sais que c'est Léon. Vas-y, Zitron. C'est là qu'il dit que sa femme elle est morte. On me pète une. Bah écoute, dommage. Non, j'espère pas. Attends. Grand foiré. Putain de merde. Non, ça serait con. Quoi, hein. Tu m'as pas tenu au courant? J'ai pas eu de faire peur. Non, attends. Ouais, c'est mort, on a pas. Enfin, j'avais baisé lequel, quoi. Je me rappelle, j'avais craché dans la nu. Oh là là. Dans le petit anu. Ah là là, bon, c'est mort, c'est vrai qu'on appelle tardivement. J'imagine même pas qu'on donne des coups de téléphone comme ça en train de réveiller des gens, des familles, ça se trouve. Bah, on bonjour, sera... vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de vouloir laisser un message après le bip sonore. A bientôt. JP. Oui, bah excusez-moi de vous déranger, c'est moi, je voulais parler à JP en fait, et comme c'était la journée mondiale de la paix, je voulais m'en excuser et être pardonné de sa part parce que j'ai baisé sa femme. Voilà, merci, bonne soirée à vous. Mais là, c'était Léo. Oh merde. Pourquoi il parle de JP? Bah ouais, bah, je sais pas, ouais, mais c'était celle avant. Oh, ah oui, ouais. Ah alors, mais y a personne qui répond en même temps, donc... Bah non, mais on tente le numéro au hasard, là. Allez, on tente le numéro au hasard, attention. 0321. Ah, je me fais passer pour un petit peu. Ça fait longtemps. Non, mais dis-moi un chiffre. Ah, 0, 0, 4. Ok. Ah. 36. Et le dernier, je 28, le... 28, le 28 et le dernier, je le compose moi-même. Ok, c'est parti. Oh. Oh merde, t'appelles Quentin. Non, c'est mon Google. Ah, numéro de téléphone incorrect. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver dans le jargon du... Oh. Eh, mais ton Google là, qui s'éclate là. On appelle des numéros au hasard, attention, c'est comme ça. Et Quentin. Ah, attends, ça Quentin. Numéro de téléphone incorrect. Ah, putain, il n'y aura pas de chance ce soir. On va appeler des portables alors. 06 12, hop, hop. T'as hop, vu la photo hop. Bah, c'est un pervers devant un tableau. Excusez-nous, mais nous. Ouais, pas de problème. On fait notre vie de notre côté maintenant. Voilà. Bon, on appelle des numéros au hasard là. On verra bien là. On appelle des portables. On verra bien, il nous reste quelques minutes là. Vas-y, hein, vas-y. En antenne. Vas-y. On verra bien ce que ça donne. Ça sonne. On sait pas comment c'est le prénom. On s'en fout. Oh, je m'en fous, je me fais passer pour un flic. Ah, y'a plus de sonnerie, ça sonne, mais on entend plus le tu. Allô ? Non, t'inquiète. Allô ? Mathieu Paulus. Oh merde. Ajoutez-le. Paulux. Mathieu Paulux. Ajoutez-le sur Facebook. On a baisé ta femme, on a baisé ta femme. Mathieu Paulux. Paulux. C'est pas un dessin animé ça, Paulux. C'est le manager chanté. Ah ouais, c'est ça. Dans les quotidiens. Il va déchanter. Dans les quotidiens. Bonjour. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Ah merde, putain. Alors pourquoi c'est Orange qui nous l'informe s'il n'est pas attribué le numéro? Merde. J'imagine. Non mais ce que j'imagine avec Quentin, on rigolait cet après-midi, j'imagine, on te compose un numéro au hasard, puis d'un coup on tombe sur... Ça va? Ouais. Ah, j'ai baisé ta femme. Bah, allô? Allô? Ah c'est toi papa? Oh, excuse-moi, j'imagine, je tombe le numéro au hasard. Nous on appelle Nicolas. Non, mais écoute. Allez, c'est parti. Bonjour, Orange vous informe que vous êtes connecté sur la Media Gateway Orange. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, la Media Gateway? Media Gateway. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, Jojo qui publie des œuvres d'art. Oui, bah, une belle œuvre d'art. Qui c'est que ça? Je me suis dit, le son il sort d'où? Moi je me suis dit, ça y est. Ouais, putain, il fait quoi? Il est content, Quentin. Je suis heureux. Oh, c'est un fax. Ah merde, c'est un fax, putain. Ça fait mal dans les oreilles, ça. Les derniers numéros, on tente les derniers numéros. Quel con, non, tu fais le bruit de Hal. Tu fais le bruit de Hal. Hal, est-ce que tu... Attends, tu me dis dès que le son est prêt. Est-ce que Hal, il est là? Yes. N'importe quoi. C'est ce qui fait pareil en plus. Allez, dernier numéro. Numéro téléphone incroyable. Bon, c'est pas grave. On appellera demain. Ouais, on appellera demain. Bon, là, je voulais tenter comme ça. Je me suis dit, bon, vu que tu vas envoyer chier, mais bon. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. J'aime un pauvre con. C'était le mot de la fin. Pauvre con. Ça, il faut le garder, ça. Pauvre con, ouais. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alors, donc, Rennes-Marseille, dernier point foot. Marseille, il coule là. Marseille, ils sont en train de perdre. Ah, ils sont en train de perdre, ils gagnent 2-1. Ah bah ils sont en train de perdre. Ah bah ils sont en train de perdre de deux. À tous les coups c'est des conneries. De toute façon les Marseillais c'est tous des enculés. Oh. Ah Romain si tu les écoutes toujours. Alors Marseille. Ah bah oui t'as raison. Bah, si je te... Moi c'est pas une attente. L'Olympique de Marseille s'est incliné sur le score de 3-2. Oh, voilà. Oh la honte. Et ouais. Ça va moi j'ai les infos aussi avant toi. Marseille on time. Oh là là, mais non, mais c'est bien, il faut tenir pour Marseille. On s'écoute, hein, tout à l'heure, c'était le pervers, si vous avez entendu, c'était Eric Pervers, on s'écoute juste un petit passage là avec les doigts dans le cul, on s'écoute. Je te dis sur sa peau, avec ma grosse cul. Ah oui. Tu aimes ça? Prends-moi le vrette. Ah, je te prends le vrette, là, je te dis sur sa peau, le vrette. Ah ouais. Encore. Et tu aimes ça? Oh oui, j'aime ça. Et encore plus fort. Et tu encore plus fort, plus fort. Ah. Tu jouis en plus. Non. Ah merde, je me suis trompé. Ah merde, j'ai mis Bruno le pervers, moi. Ah ouais, j'allais dire. C'est l'ancien, ça. J'ai plein de pervers dans ma rubrique, là. Putain, ça arrête pas, là. J'ai que des pervers. Ah ouais, merde, j'ai mis Bruno, là. Bon, ça faisait pas de mal, un petit Bruno, non plus, hein. Vous allez me dire. Ah, mais on a du mal à le comprendre, t'as Bruno. T'as mis le terbégé. Oui. Ah oui, c'est mon fantasme. Vas-y, je vais le prendre, alors. Oh, vas-y. Ah, ça. Mets-le bien profond. Oui. Oh. Vas-y. Voilà. Je pense qu'on s'en doit dans le cul, là. Et fais des allers-retours. Salope. Des va-et-vient. Oh. Ça, c'est bon aussi. Oh. Oh oui, j'adore me doigter de cul. Hein? Tu aimes? Oh oui. Oh, moi, je suis à trois doigts, là. Ah, tu aimerais me goûter? Oh oui. Tu peux, ah, oui. Tu peux rajouter des doigts ou pas? Ouais, je vais en mettre un deuxième. Ah ouais, hein. Ouh. Ouh. Ça sent. Ouh. Ouh. Ça commence à se dilater, là. Oh oui. Oh. Mets-en un troisième si tu peux. Ah, ça a du mal à rentrer. Eh ben, laisse à deux. Juste deux et tu fais des va-et-vient. D'accord. Et vas-y vite. Oui. Voilà, je vais vite, je me droite. Oh. Oh. Vas-y, continue là, ça va arriver. Ouais. Vas-y. La rondelle pour toi. Vas-y. Encore. Oui. Oui. Oh. Oh, c'est bon, c'est déjà fait le cul. Oh, c'est vrai que c'est bon. T'es le seul mec qui arrive à me donner autant de plaisir en plus. Hein? T'es le seul mec qui arrive à me donner autant de plaisir. Oh oui. Vas-y, continue. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ouais, il était énorme ce soir, les pervers, évidemment. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. Si vous voulez le réécouter, il sera disponible dès demain matin sur la chaîne YouTube Radio Mix Floor. Vous allez dans Alex Libre Antenne. Vous allez pouvoir réécouter évidemment le pervers de ce soir. C'était énorme. Merci en tout cas pour cette belle soirée de mercredi. Demain, c'est déjà la dernière de la semaine, 21h-23h. Ouais. Avec toute l'équipe. Demain, on retrouve Jojo qui sera là. Demain, on retrouvera évidemment Quentin. Oui. Et puis, on retrouvera dès lundi. Voilà, c'est ou ça. Pas, je sais pas, on verra. On verra, on sait pas encore. Et il y a qui demain alors? Demain, on trouvera Alison, Geoffrey, il y aura Quentin, il y aura moi-même, il y aura Jojo. Mais pourquoi tu dis non, Tonton Mani sera non, pas Tonton là. Mani sera non, pas il y aura Ben qui sera là aussi. Ah, il y a Ben qui sera là. Il y aura un peu de monde demain. Ouais. Mais, qui nous ramène des hamburgers demain. Ben, qui nous ramène des hamburgers. À 3 euros, Charal. Bon, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée à vous. Ciao. Ouais, bisous. Vous allez faire quoi de beau votre soirée? Je vais me branler. Je vais les pisser. Alors, Jojo, tu vas faire quoi? Je vais regarder des émissions en replay. Ok, et Quentin? Moi je vais me coucher, puis je vais regarder des... Oh oui, j'ai un kiff, c'est de regarder des chasseurs de fantômes. Ok. Ah oui, ça j'ai vu, ça, pas mal ça. Il aime bien, ouais, lui, ça, regarder ça. Pas mal. Il m'a fait chier tout l'été avec ça, les chasseurs de fantômes. Et ah, c'est pas mal, hein. Bon, ouais, faut vraiment avoir les couilles pour le faire. Hein? Faut vraiment avoir les couilles pour le faire. J'aimerais bien faire une émission en direct à... Putain, moi je suis dans ma culotte. Hein. Eh non, mais si tu veux, pour Halloween, là, on peut se faire un truc ici. Moi je suis dans ma culotte. Eh, je connais des Ghostbusters. On va faire venir un truc pour Halloween, on va faire les émissions spéciales. Inquiétez pas. Esprit, es-tu là? Bordel, c'est pas Esprit, là, c'est ma bite. Oh, rideau Esprit. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci en tout cas, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, bon courage à tous ceux qui partent travailler, puis on se rejoint évidemment dès demain 21h-23h dans la Libre Antenne. Ciao, bonne soirée les gars. Ciao. Ciao. Ciao. Salut et à demain. Bisous. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean.